Est-ce que tu es prêt? Ouais. Putain. On fait plus d'intro. C'est vrai. Voilà. Mais ça pourrait être une intro. D'accord. Voilà. Sur table aujourd'hui avec moi pour parler de nos dernières lectures. Je suis avec Issam. Salut. Arthur. Salut. Et c'est tout. On est toujours trois autour de cette petite table. Et Christopher. Toujours chez Arthur. Et Christopher aussi. Toujours chez Arthur. Et Christopher. Oui, oui, oui, bon, ta gueule. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Week-end compliqué quand même à l'hôtel, mais ça va. Et à quel moment tu ne vis pas des moments compliqués à ton hôtel? Des fois, c'est plus compliqué que d'autres. C'est vrai que quand tu vois des madames masturber des messieurs derrière des gros pots de fleurs, c'est plus compliqué. Et qu'ils sont pas suffisamment gros pour que ce soit pas gênant, en fait. C'est surtout ça le problème. Et encore masturber derrière des pots de fleurs, depuis j'ai eu celle qui suçait son mec au milieu du hall. Ah. Quoi? Je l'avais pas raconté, ça? Non, mais c'est... est-ce que t'as vraiment envie que les auditeurs de Classe sur Table le sachent? Eh ben non, ce sera en bonus si vous nous payez. Je vous enverrai le récit détaillé en podcast indépendant. On va ouvrir un Patreon et ça fera partie des bonus pour les gros patrons. C'est ça. Et toi, Arthur? Ça va, ça va. J'ai pas d'anecdote qui inclut des masturbations en public, désolé. Non, mais tu en es à ta quatrième tentative de suicide depuis le début de la rentrée, tu pourrais en parler. Depuis le mois d'octobre, ouais. alors, comment ça s'est passé? Non, non. Ça veut dire qu'il est pas très doué quand même. Oui, oui, pour ça non plus. Messieurs, on a un programme pas trop trop chargé pour ce numéro. Ouais, non, ça va. Oui, raisonnable. On a globalement de plutôt bonnes lectures. Oui. Pour ce numéro. Et on va commencer par l'une d'elles, qu'on a tous les trois lues. Il s'agit de Natsuku no Sake, édité par Vega, écrit et dessiné par Akira Ose. Est-ce que ça vous va la prononciation? Parfaitement. Oui. Enfin, moi j'aurais plutôt dit Sabrina le coin, mais... Donc, Natsuko no Sake nous raconte l'histoire de Natsuko, qui a une famille qui travaille dans le sake depuis des générations, mais elle, elle s'est installée à Tokyo pour travailler dans la publicité. Un milieu rempli de gens un petit peu... De droite. Voilà. Mais elle se sent assez mal à l'aise dans ce milieu, d'autant plus qu'elle va... qu'elle va devoir faire une publicité pour du saké. De droite. Et trouver des qualités à une boisson dont elle sait objectivement que c'est de la merde. Et en parallèle, son frère, qui devait reprendre la maison, va mourir dès le début du manga. Et donc elle va se dire, bah, faut que je retourne là-bas, faut que j'assume mon destin et que je reprenne la maison familiale en développant le saké d'exception avec un rite très particulier que mon frère voulait faire renaître. Donc voilà, ça part sur un... Bon, plutôt shonen, c'est indiqué en seinen, moi j'ai plutôt trouvé que ça se rapprochait d'un shonen. Ouais, c'est publié dans un magazine de seinen. D'accord. Après, fondamentalement, on s'en fout, mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que ça a des codes assez shonen dans le sens où... J'ai un objectif, il faut que je parvienne à faire le meilleur saké, entre parenthèses, quoi. Ouais, c'est ça. Même ça, si après, ça se voit pas non plus à fond, c'est pas un truc qu'on nous rabâche tout le temps. Non, on ne le rabâche pas tout le temps, et puis surtout, ça se mélange à tout un aspect beaucoup plus dramatique, une chronique familiale et du village en général, assez touchante, souvent, dans les relations. Bien décrits, À peu près tous les personnages sont bien décrits. Et même dans la manière dont ça approche le milieu du saké, il y a régulièrement une mélancolie, je trouve, dans la comparaison entre les petites maisons de saké qui sont en train de disparaître et qui font encore de l'artisanal, et les grosses maisons qui reprennent. Ça nous dit que ceux qui développent le saké sont de plus en plus remplacés par des machines, donc il n'y a plus vraiment d'humains, d'art du saké, que ça devient vraiment une industrie. J'ai beaucoup aimé, graphiquement c'est très propre. Graphiquement, on en parlait, parce que graphiquement j'ai vu beaucoup de reproches comme quoi ça avait un aspect vieillot. Bah, faut déjà rappeler que le manga il a commencé en 1988, quoi, voilà, donc il y a même, forcément un côté daté, mais moi je trouve que ça a un charme. C'est pas extrêmement vieillot non plus, les personnages ont un design. Ça a vraiment bien vieilli, ouais. Un petit peu vieillot, mais tout ce qui est décor, paysage, c'est plutôt très joli. Bah, on sent que ça date des années 90, voilà. Disons, mais... Ouais, c'est pas... Enfin, pour moi, déjà, dire que c'est vieillot, c'est pas forcément un péjoratif, ouais. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Les informations sur le saké sont plutôt bien amenées, assez doucement. Tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Ça peut être assez compliqué à aborder tout de même. Ça aurait pu être super indigeste, ouais, mais voilà, ça ne l'est pas du tout. C'est intéressant, on apprend des choses, et c'est pas non plus ultra scolaire, en fait. Ouais. Donc c'est ce qui rend la lecture agréable. Et clairement, la production du saké, c'est pas le thème central du récit, c'est surtout un prétexte pour faire avancer des relations humaines et... Ouais. Et pour restructurer le récit d'une communauté, quoi. Oui, c'est un drame social avant tout. Oui, et le propos sur la massification de la production du saké, il peut se rapporter à plein d'autres milieux, sinon à tous les milieux, en fait. Donc, La majorité des milieux, qu'ils soient agricoles ou artisanaux, quoi. Mais même, par exemple, la librairie, c'est la même chose, en fait. Donc ça peut vraiment se rapporter à plein de trucs. C'est un peu abordé, d'ailleurs, avec son patron dans l'agence de pub, qui lui dit que lui, il vient d'une famille de récolteurs de pommes, mais qu'il s'en est complètement coupé. Et il y a tout ce rapport aussi entre la ville et la campagne, entre ceux qui... Enfin, des personnes qui viennent de la campagne et qui soit veulent y rester, y retourner, soit veulent à tout prix la fuir. C'est assez intéressant aussi, ça. On est face à un tome plutôt balèze. Oui, c'est un double volume. C'est parce que à la base, la série est en 12 volumes, et là, on aura une édition en 6 volumes. D'accord. Donc oui, 450 pages, pour combien ? 12 euros le tome. Donc c'est très correct. Raisonnable. C'est très correct. Et ouais, l'héroïne est super attachante. Et les personnages secondaires aussi. Ah bah tous les personnages sont bien travaillés, ils sont les et leurs relations entre eux l'est également. Puis je trouve vraiment qu'il y a une poésie, tout le volume est assez mélancolique. Et des passages très touchants. Ouais, il y a beaucoup de passages très très touchants. Ça joue aussi beaucoup sur les non-dits et sur une narration qui est très graphique par instant. Il y a vraiment des scènes très très belles, plusieurs pages sans un mot, et ça fonctionne très très bien. Ah bah, typiquement la mort du grand frère et son enterrement. Ouais, ça fonctionne bien. Puis, c'est des scènes vraiment réussies. Ouais, vraiment, ça arrive à rendre captivant l'agriculture, ce qui n'est pas gagné d'avance. Parce qu'il avait déjà fait des mangas comme Moya Simone et tout, mais là c'est plus dans une dimension plus mélancolique et moins comique, et vraiment ça passe très très très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et je ne m'attendais pas à apprécier autant. Oui, moi pareil. Je pensais vraiment que ce serait plus indigeste et plus chiant, parce qu'en général les mangas vraiment centrés sur un truc comme ça, quand la thématique ne nous intéresse pas spécialement, on peut vraiment se faire chier assez vite. C'est ça notre erreur, c'est qu'on pensait que c'était centré sur cette thématique-là, alors que pas du tout. Bah, en même temps, ça se vend comme ça, quoi. Et c'est vrai en même temps, mais disons que c'est surtout, au-delà de ça, ça peut être lu de manière beaucoup moins... Enfin, plus centré sur les relations humaines, et à ce moment-là, vraiment, je trouve ça super réussi. C'est vrai que le côté humain a manqué un petit peu dans la com autour de la sortie. Ouais. Enfin, en fait, il y avait ça, mais c'était plutôt pour promouvoir l'aspect entre guillemets féministe du truc, alors qu'il est là, mais qui a été un petit peu exacerbé par la com, parce que même si on parle du fait qu'elle rencontre des obstacles en tant que femme dans ce milieu, c'est quand même que quelques pages dans le tome. C'est vrai que les hommes peuvent pas la saquer. Hein, extrêmement drôle. Oui, on lui oppose des obstacles, mais qui sont vite réglés, et puis surtout parce que son entourage est bienveillant et remet pas trop en cause le fait que ce soit une femme qui fasse ça, à part à un moment, et c'est vite expédié. Voilà. Il y a un moment, l'obstacle c'est les femmes n'ont rien à faire là. Et en fait, on apprend assez vite que 8 sur 15 des maisons de saké de je sais pas quoi sont dirigées par des femmes, donc en fait, ça a l'air d'être un milieu beaucoup moins masculin que par exemple le milieu de la publicité où elle travaillait avant, quoi. Je crois que c'est assez vrai parce que c'est assez sourcé, etc. Mais je sais plus si c'est la direction de maison, enfin, ou en tout cas que les femmes sont assez bien en place dans le milieu. Après, je pense que bon, là déjà, les relations entre personnages féminins sont vraiment bien gérées. Se concentrent pas que sur des conversations autour des hommes et tout ça. Elles ont vraiment des amitiés assez complexes qui se mettent en place au fil des pages, et c'est vraiment bien fait. Mais je pense que la rencontre avec des actrices du milieu va se faire plutôt dans les tomes à venir, quand elle aura fait son saké, etc. Et ouais, non, voilà, enfin, moi, vraiment, c'est un énorme coup de cœur, je m'y attendais pas du tout. Oui, pareil, donc, très bonne lecture du mois. Ouais, encore une super pioche de Vega. Ouais, mis à part Bandy, qui ne nous déçoit pas. Ouais, Bandy Seven, c'était pas top, mais tout le reste est vraiment cool. Et il faut peut-être noter aussi que l'auteur publie également chez Isan, le disciple de Doraku. Oui. Il y a 4 tomes qui sont sortis, ou 3, je crois, quelque chose comme ça, et par contre, c'est en cours avec 18 tomes au Japon. Tomes, et c'est quoi le disciple de Doraku ? C'est... Non, mais chez nous, enfin, ça, il y a 2 tomes sortis, je crois. 4. 4 ? 4, ouais, je l'ai sous les yeux. Ah, c'est pas des tomes doubles chez nous ? Si, c'est des gros pavés, mais en tout cas, on a encore de la marge, et le dernier est sorti en 2016, donc je sais pas trop l'état de la série. Et c'est quoi ? Je l'ai pas vu, je sais pas. Mais ça, bah, du coup, ça a l'air de parler de Raku, j'imagine. C'est sans doute très bien, parce que du coup, moi, ça me donne vraiment envie de le lire, ça. Et faut noter que, enfin, faut noter, non, c'est une anecdote plus, que l'auteur a formé l'auteur de Dog Life, Dog Style chez Kiyun, un truc de guerre qui est sorti il y a quelques années. Non, une adaptation en manga de, ouais, du jeu vidéo Front Mission. Ouais, voilà. Et aussi l'auteur de Docteur Ashura, là, le truc chez Komiku sur une femme médecin. Oui, ça, j'ai pas du tout accroché. Voilà, bon, bah, c'est une anecdote parce que c'était sur Manga News, donc voilà, je vous le dis, vu que je l'ai sous les yeux. Ah, maintenant, il nous fait, une rubrique anecdote. Exactement. Ouais. On ne s'ennuie pas dans ce podcast. Ah, ça. Une lecture qu'on recommande tous autour de la table. Absolument, ouais. C'est trop bien foncé. Eh bien, nous allons passer au prochain titre de notre sélection. Un titre que vous êtes deux à avoir lu autour de la table. Gishigishi-kun, écrit et dessiné par Maruo. Suihiro. Et édité chez nous par Le Lézard Noir. Eh oui, Le Lézard Noir continue sa nouvelle vague de publications des inédits et des rééditions de Suihiro Maruo. Celui-ci, donc, c'est un one-shot, donc publié en format cartonné, comme bah, toutes les rééditions récentes de Maruo. De prime abord, il est relativement différent de ce à quoi nous a habitué l'auteur, parce que même si on retrouve des éléments de macabre, c'est surtout un manga qui est beaucoup plus comique et beaucoup plus satirique, enfin plus directement que ses autres mangas. Donc on va suivre des tranches de vie fantastico-horrifico-comiques autour d'un jeune personnage qui s'appelle Gichi, qui est un jeune enfant d'origine chinoise qui vit au Japon et qui, en gros, va, du fait de pouvoirs surnaturels un peu particuliers, endosser le rôle de justicier au sein de sa classe et de son quartier et de sa famille, etc. Et donc, comme je l'ai dit, c'est... beaucoup moins graphique et gore que les autres mangas de l'auteur, et pour autant c'est, je trouve, tout aussi malaisant et tout aussi expérimental. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, je sais pas. J'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé, mais je le place un peu en dessous des autres Maruo que j'ai pu lire. J'ai trouvé le mélange intéressant entre une espèce de côté presque conte pour enfants déviant. Mais ce qu'il y a déjà beaucoup dans Maruo, mais là c'est vraiment... Ouais, là c'est vraiment très poussé. Le côté enfantin, effectivement, apporte quelque chose à toute la satire et à tout le style graphique. On sait jamais trop si c'est des blagues ou des tours vraiment méchants que fait Gichi à ceux qui l'embêtent. Après, peut-être que ce qui l'a empêché pour moi de décoller, c'est que c'est des chapitres très courts et qui sont vraiment quasiment tous indépendants. Donc, au final, il se passe pas non plus énormément de choses, c'est toujours très bref en fait. Il a pas le temps de développer des péripéties comme il peut le faire des fois en s'étalant un peu plus graphiquement dans ses autres œuvres. C'est peut-être ce qui manque, mais ça reste un vraiment bon titre. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu par contre, cette division en petites scénettes. Et je trouvais que ça fonctionnait bien justement au niveau de la mécanique de récit, de la punition à chaque fois par Gichi et de l'ambivalence morale du personnage. Ouais, il aurait peut-être fallu qu'à la fin, quand même, il y ait un truc un peu plus développé peut-être. Mais ouais, moi, ça m'a pas manqué. Je comprends la démarche. Et ça peut être un bon moyen aussi de découvrir l'auteur si vous voulez pas vous aventurer sur quelque chose de trop violent ou de. C'est un auteur habitué à faire des robots, donc. Ouais. Enfin, il y a. À mettre entre toutes les mains ce qu'il a l'habitude de faire. Ouais, il y a des traces. Enfin, ça reste. Non, assez... ça reste quand même. Enfin, je l'ai pas lu, j'ai feuilleté, mais ça reste quand même relativement tout public. Contrairement à ce qu'il a l'habitude de faire. Tout public peut-être pas, mais en tout cas beaucoup moins... Voilà, enfin, il y a quand même un moment où il se retrouve pendu à poil par une secte qui veut tuer sa meilleure amie ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon. À qui ça. Ce n'est pas arrivé. Oui, voilà mais... Après tout, hein. Quand on travaille dans l'hôtel d'Issam... Oui, voilà, c'est quelque chose d'assez commun. De commun. Je sais pas. Si ça vous est arrivé, bah, vous pouvez le lire sans problème. On a d'autres à rajouter sur... Non, c'est chouette. Non, ouais, c'est vraiment cool. Ah si, j'ai fait un article dessus, lisez mon article. Un petit peu d'autopromo, ça. Oui. Ça ne fait jamais de mal. Et ben, on a rapidement fini avec ce Gichigichi-kun. Ouais. Et à mon avis, on va pas non plus s'éterniser très longtemps avec le prochain. Prochain titre qu'on a tous les trois lu. Ouais. Mickey All-Star, édité par Glénat. Et là, écrit et dessiné par énormément d'auteurs. On va peut-être pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup. Oui, une quarantaine. Parmi lesquels vous pouvez retrouver du Clark, du Dabs, du Thierry Martin, du Denis-Pierre Philippi ou encore du Joris Chamblin, pour en citer quelques-uns. Le principe de Mickey All-Star, c'est très simple en fait, c'est une page, un auteur. Chaque page débute par Mickey qui sort d'une porte et qui se termine par Mickey qui rentre dans une porte, et comme ça c'est un enchaînement. Et les auteurs après, libres à eux d'essayer de faire des liens entre les pages précédentes ou les pages suivantes. Du coup, bien entendu, on se retrouve avec des styles visuels ultra différents pour chaque auteur. Là, c'est dommage qu'on ait vraiment que l'audio et pas la vidéo pour ce format de podcast, parce que clairement, c'est un bouquin qui vaut principalement pour son aspect visuel sur lequel les auteurs peuvent se lâcher, quoi. Puisqu'on est encore sur le principe de la carte blanche où les auteurs peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est déjà dans les cartes blanches, dans l'ensemble, il y avait des trucs très intéressants. Et là, peut-être parce que c'est qu'une page, ils peuvent encore plus se lâcher. Donc il y a plein de trucs, c'est souvent drôle ou au moins intéressant dans ce que ça tente de mettre en place, niveau mise en page, niveau récit. Il y a beaucoup de planches muettes. Oui. Et ouais, c'est vraiment cool à lire. Surtout toi qui n'est pas un grand lecteur de Mickey. De Mickey, ou même de la BD franco-belge. Ouais. De la BD de style européenne. Ben oui, moi, ce qui m'a le plus plu, justement, c'est la contrainte narrative qui structure le tout. Et qui justement donne un intérêt à faire des ponts entre les récits, à créer une espèce de mécanique comme ça qui permet de jouer avec la page, qui permet de jouer avec l'objet livre aussi, et je trouvais ça vraiment intéressant et très souvent bien exploité. Après ouais, moi c'est clair que je suis pas grand adepte de Mickey, donc ça m'a pas particulièrement touché à ce niveau-là, mais ça permet d'avoir un regard assez complet sur tout ce qui peut se faire un peu en franco-belge, aujourd'hui, et donc rien que pour ça, c'est vraiment cool. Même le langage de la bande dessinée. C'est vraiment bien exploité, les jeux entre les cases, etc. Oui. En général, ouais. Il y a notamment une planche, alors encore une fois, on est à l'audio, donc ça va pas être parlant, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est celle-là. Donc c'est à, ça va pas être parlant. Je crois que c'est la deuxième planche, voilà. Qui donne l'impression d'être assez traditionnelle, mais qui en fait se lit dans un ordre assez particulier, parce que Mickey passe d'une case à l'autre en tombant dans des pièges, etc. Donc ça donne une mise en page et un sens de lecture assez rigolo. Ça m'a rappelé la BD que je lisais dans Spirou, Imbattable, tu vois ce que c'est ? Je crois que ça s'appelait comme ça. Bon, c'est un super-héros justement qui joue sur les codes de la BD pour taper des méchants en dessous, au-dessus, etc. Et jouer sur les rapports entre les cases. Et c'est, de mémoire, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Bon, ça ne vole pas haut, mais pour ça, c'était assez intéressant. D'accord. Alors, clairement pas le meilleur des Mickey All-Star, parce que... C'est une... T'en as lu pas mal, toi aussi, ça. Ouais, j'en ai lu plusieurs. Bah, c'est une anthologie, donc il est difficilement comparable aux autres aussi. Voilà, disons que pour la contrainte artistique, ça va être l'un des plus intéressants. Ouais, bah moi c'est celui qui m'a le plus plu, dans les trois que j'ai lus, c'est celui qui m'a le plus plu justement pour ça. Ouais. Mais du coup c'est celui qui va proposer une absence quasi totale de scénario, quoi. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé celui sous forme de strip. Que Arthur a pas lu du coup. Ouais. Celui c'était le tout premier fait par Trondheim. Ouais. Je pense qu'on en a fini, alors on va assez vite dans ce début de podcast, hein. Oui. On va s'attarder un petit peu plus sur des prochains titres, mais ouais. Là clairement c'est parce qu'on n'a pas raison de s'attarder. On va parler d'un titre qui a déjà connu une sortie en France. Un titre qui a connu des péripéties, édité chez Panini. Un titre anciennement appelé... Les Rôdeurs de la Nuit. Les Rôdeurs de la Nuit. Nouvellement appelé Demon Slayer. Peut-être pour surfer un petit peu sur le succès de l'animé. Et du manga à l'international. Et du manga à l'international, c'est ça. Vous l'avez compris, on va donc parler de Demon Slayer, édité par Panini. On va donc revenir parce qu'on trouve que c'est un titre plutôt sympathique, très prometteur, et surtout qui manque un petit peu de lumière par son éditeur. Donc autant revenir un petit peu sur sa sortie. Oui, oui, là ça va mieux quand même, hein, depuis que Panini s'est repris en main. Ouais, donc c'est de Koyu Haru Gotouke, en cours avec 17 volumes au Japon, et donc on a les 4 premiers qui sont sortis en France. Deux par deux, sachant que les deux premiers tomes sont au prix deux pour le prix d'un. Oui. Ou pas, mais on peut les acheter comme ça, que le cinquième sortira le mois prochain et qu'ensuite on aura un volume tous les deux mois. Et qu'il y a un petit exhibit offert avec le tome 3. Ouais, il y a un petit exhibit offert avec le tome 3. Non, genre Panini a vraiment mis les petits plats dans les grands, quoi. Oui, bah enfin, ils ont juste sorti. Enfin, c'est assez impressionnant parce que c'est Panini, mais si ce serait chez n'importe qui d'autre, ce serait juste normal parce que c'est quand même un des plus gros titres du Shonen Jump. C'est normal de lui réserver un accueil à peu près correct, quoi. En vrai, le coup de, d'envoyer les nouvelles covers à ceux qui avaient l'ancienne édition, ça, tout le monde l'aurait pas fait. Ouais, mais ça pour moi, c'est juste de la décence. Et ceux qui ne l'auraient pas fait, ce serait fait en guirlandais à raison, je pense, pour pas l'avoir fait. Parce que quand c'est à cause de l'éditeur que la publication s'arrête pendant plusieurs années sur un titre comme ça. C'est un minimum de respect envers les lecteurs aussi que de pas les faire racheter les tomes, quoi. On a eu combien de temps? On a eu 2 ans, deux ans d'arrêt. Ouais, deux ans d'arrêt à peu près. Mais d'ailleurs, vous avez déjà parlé, il me semble, à l'époque où j'étais pas encore dans ce podcast. On dans un des premiers numéros. Ouais. On en avait parlé. Du coup, on peut renvoyer les auditeurs à ce numéro. Bah après, ce sera moins bien parce que oui, mais moi j'étais pas là encore, donc ce sera pas intéressant d'écouter ça. Du coup, donne-nous ton argumentaire à toi. Parce que nous, on l'a déjà donné à l'époque, et pour le coup, c'est le même que maintenant. Moi, j'avais fait un article à l'époque sur mon blog qui est pas top, donc elle est pas forcément le lire, donc je vais en parler là. C'est pas la peine de le lire. Non, mais voilà, c'est pas la peine d'écouter l'ancien podcast, il est pas bien parce que je suis pas dedans, c'est pas la peine de lire mon article, il est pas bien parce que je suis dedans. Voilà. Mais vous pouvez lire Demon Slayer, édité par. Mais par contre, vous pouvez lire Demon Slayer parce que c'est très bien et qu'a priori, personne d'entre nous n'est dedans. Putain, on est bon en com, la vache. Du coup, c'est l'histoire. C'est pas comme ça qu'on a fait envoyer les trucs par Panini. Hein. Ah, ça. Ce croissant est très bon, Issam, merci. De rien. Ça aussi, c'est super radiophonique. Donc, c'est l'histoire de Tanjiro qui vit avec sa famille dans un milieu rural du Japon du début du XXe siècle. Donc, il vit entre autres avec sa jeune sœur Nezuko. Et un jour, alors qu'il va faire je sais plus trop quoi tout seul en forêt, quand il revient à la maison, toute sa famille est morte, en gros. C'est la fête. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il va faire je sais pas trop quoi en forêt. Bon, voilà, il me semble qu'il va vendre ou ramasser des trucs. Enfin, il me semble qu'il va vendre du charbon. Faire un truc de paysan. Voilà, bon. Vendre du charbon. Faire des graffitis sur les arbres, enfin bon, ce que vous voulez. Et donc il rentre chez lui, tout le monde est mort, parce que il y a un petit problème dans ce Japon quand même. C'est qu'on a... Ils ont retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. C'est que parfois, la nuit s'éveille. Alors dans la première version du manga c'était des rôdeurs, alors maintenant c'est retraduit par des démons, qui sont en gros... La droite. Voilà, exactement, qui viennent vous demander de payer des impôts aberrants, c'est n'importe quoi. Les impôts, c'est pas la gauche. Oui, mais là, c'est les impôts pour les prolétaires. Ah. Attends, c'est les pauvres vendeurs de charbon, les gens. Bref, oui, bon. Bah, ça va, tout le monde participe. C'est les vendeurs, c'est les capitalistes. Donc, bref, toujours est-il par des démons qui, donc, anciennement sont des humains, mais en gros, c'est un peu comme des vampires. Hein, dans le principe, ils se font mordre et ils se transforment. Ils se rapprochent de la goule. De la goule, même au Japon, hein, ils ont le même concept, je crois. Enfin, en tout cas, avec Tokyo Ghoul, etc. Bon, bref. Donc, des bêtes qui se nourrissent de gens. Et du coup, quand ils rentrent, ils voient qu'il y a eu un petit festin et que la seule survivante, c'est sa sœur Nezuko, dont il se rend vite compte que elle est elle-même transformée en démon. Et donc, là-dessus, vu qu'il a plus trop grand chose à faire, vu qu'apparemment la vente de charbon va pas pouvoir continuer dans ces conditions, c'est compliqué, il décide de devenir, alors je crois que ça s'appelle Pourfendeur de démons. Un Demon Slayer. Oui, bon, ouais, Demon Slayer, hein, c'est le titre en même temps. C'est-à-dire donc qu'il va rejoindre une organisation de ces fameux pourfendeurs, qui est une organisation à moitié reconnue, qui se charge d'éliminer les démons qui gangrènent cette société et tout en... Oh oui, on veut pas de ça chez nous. On veut pas de démons dans notre société. Tout en essayant... John, arrêtez. Au secours. Au secours, oui. Ils agressent les honnêtes citoyens pendant la nuit. Ils volent le travail du charbon. Ils font des festins chez les gens, ils ne nettoient pas en partant. Ils ont des coutumes étranges. Quand ils font un festin, il y a le bruit, mais il y a aussi l'odeur. Bref. On laisse le parler, on va chez les bolcheviks. Laissez-moi parler. Donc, voilà, et tout en essayant de retrouver une relation avec sa sœur et sa nouvelle condition. Voilà. Donc, eh bien, que dire sinon que c'est très cool, que... Bon, narrativement, on suit un schéma assez classique, mais c'est rendu... Ouais, c'est bien rythmé. Oui, c'est très bien rythmé. Il y a pas... Enfin, l'auteuriste s'appesantit pas trop sur des éléments assez convenus de ce type de récit, notamment l'ascension du protagoniste. Il me semble que... Ça va très vite. Hein. Ouais, il me semble que dans les deux premiers volumes, il y a plusieurs années qui s'écoulent, donc voilà, ça va vraiment vite. Ouais, enfin, toute sa formation est pas vraiment rushée parce que c'est assez bien maîtrisé, mais justement pour pas ressasser des éléments du shonen qui sont assez typiques. Graphiquement, ouais. À ce sujet-là, c'est, moi je trouve presque le premier chapitre trop rushé, je l'avais déjà dit à l'époque, je crois. La partie, en fait, l'acte 1 où il est encore avec sa famille, on n'a pas assez le temps de s'y appesantir pour vraiment mesurer toute sa perte, je trouve. Oui, c'est vrai que du coup, quand il meurt, t'es pas trop empathique. Ouais. Mais enfin, c'est une perte typique, et de toute façon, je pense que dès le début, tout le monde pouvait s'attendre à ce que sa famille meure, quoi. Même si on avait fait tout un tome avec la famille, on savait qu'à un moment elle allait mourir pour lancer l'histoire, quoi. Ouais, mais ça aurait pu nous y attacher quand même. Mais après, c'est un problème que j'ai eu avec plusieurs shonen récents, la rapidité du tome, enfin des premiers chapitres. Après, j'imagine aussi qu'il y avait des logiques de vite capter le lectorat japonais dans la publication hebdomadaire au Japon. Après, il y a le souci de leur manière de publier les c'est mondes. Ça. Donc, mais bon, toujours, moi, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangé, aussi parce que justement, je sais que l'histoire n'allait commencer qu'une fois que la famille serait morte. Donc, voilà. Mais non, vraiment, alors, graphiquement, je trouve ça extrêmement charmant. Ça a vraiment un charme vraiment particulier. Il y a toute une atmosphère d'époque qui se mêle avec le récit de genre Neketsu. Et ça fonctionne vraiment bien, les tenues notamment. Il y a vraiment un charme, et dans le découpage et dans la narration. Les personnages sont aussi très attachants, notamment certains qui arrivent au tome 3 et 4 pour former une petite équipe progressivement. Et les scènes de combat sont très réussies, c'est attachant, maîtrisé, graphiquement très très très plaisant, bourré de bonnes idées au niveau des pouvoirs, au niveau des combats. Et on sent que c'est qu'un début et que c'est un manga qui devrait s'étaler sur au moins une bonne vingtaine de tomes, parce que là apparemment ça se dirige lentement vers la fin au Japon. Alors d'ailleurs que du fait de l'anime qui s'est achevé récemment, il y a un succès sans précédent pour la série là qui... Il y a un film qui a été annoncé dans la foulée. Ouais, il y a un film qui a été annoncé et les ventes sont vraiment vraiment très très bonnes et ça c'est juste derrière One Piece quoi, donc c'est vraiment cool. Qui c'est qui va s'occuper du film live, on sait déjà. C'est pas un film live, hein, c'est un film animé. Animé, j'ai dit. Mmh. Du coup, j'ai vu que c'est le même studio que la série animée. J'ai cru comprendre qu'il y avait un film live aussi. Non, c'est un film animé, je crois. Il va y avoir une pièce de théâtre, il me semble. Mais ça, ils font des pièces de théâtre avec tout n'importe quoi. Donc, En fait, la série s'est terminée. Mmh. Et après le générique du dernier épisode, ils ont annoncé que le prochain arc sera adapté en film animé. D'accord. Voilà. Donc, à mon avis, par le même studio, oui, je pense. Ouais. Donc voilà. Mais je pense qu'on n'a rien à rajouter, hein, nous, parce qu'on avait, le même avis à l'époque. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis, non, j'aime bien les mangas qui se passent à l'ère Meiji, je la trouve sympa comme ère, avec tout le mélange. Enfin, c'est il y a encore les derniers résidus de tout ce qui est période Edo. Mm. Et en même temps, il y a la modernité qui s'installe, le Japon qui s'ouvre, et ça, c'est pas mal traité dedans. Mm. C'était aussi traité dans Kenshin, un peu. Il n'y a plus qu'à espérer que cette fois-ci, Panini. Mais là, ça a l'air bien parti. Et pas que pour ce titre, hein, ils ont l'air de faire un plan de relance qui, à la fois, s'axe sur des rééditions et sur pas totalement laisser tomber leur ancien catalogue. Du coup, il faut espérer que le lectorat suive. Mais je pense que, en tout cas, pour cette série, le lectorat suit. Parce qu'ils avaient déjà imprimé pas mal de tomes 1 et 2 et ils sont tombés en rupture en une dizaine de jours. Et là, c'est déjà de retour en librairie. Du coup, il faut espérer que le lectorat suive pour les autres œuvres. Ouais, parce que là, il y a le côté phénomène et le côté animé qui a cartonné. Quoi. Après, ils ont fait un choix malin qui est de traiter leurs réimpressions comme des rééditions, donc de refaire de la com autour alors qu'en soi c'est juste des réimpressions. Ce qui est assez malin parce que par exemple Happy de Urasawa, il y a plein de gens qui ne savaient même pas que c'était sorti en France, j'ai vu sur Twitter, et qui du coup vont l'acheter comme si ça ressortait pour la première fois. Donc ils vont réussir, je pense, à réengranger un lectorat sur ça. Et par ailleurs, notamment, ils ont déjà teasé qu'ils étaient sur le recueil d'histoires courtes de l'autrice de Demon Slayer qui est sorti ce mois-ci au Japon. Et qui a l'air aussi vachement bien, parce que justement ça lui permet d'explorer d'autres univers. Ouais, moi là pour le coup j'ai assez confiance, notamment au niveau de la communication qui est beaucoup plus efficace. Et moi maintenant j'attends surtout des nouvelles du prochain tome double d'Angel Hearts saison 1. Ouais, on attend ouais. Depuis maintenant. Et moi de. Ouais. Ok, nous allons donc passer au prochain titre de cette émission. Nous allons vous parler de Mammoth. Mammoth, je pense que c'est comme ça que ça se prononce en je russe. Je pense, ouais. Hein, une BD franco-belge. Même française, on peut dire. Écrite par Fabien Groslo, dessinée par. Non. Mais ça se fait pas se moquer des noms. Bof. Mais donc, je recommence. Écrit par Fabien Groslo, dessinée par Pixel Vengeur, et je pense que le troisième nom qui est Delph, ça doit être le coloriste. Non, effectivement, il n'y a pas d'indication, donc désolé pour lui, mais je pense que ça doit être le coloriste. Nous sommes dans un thriller. Alors, on est deux à l'avoir lu autour de la table, hein, Issam et moi-même. Nous sommes dans un thriller où nous suivons une équipe de bras cassés, on pourrait dire. C'est un petit peu les pieds nickelés, les mecs. Hein. Bah, c'est des Russes, quoi. Qui font une escapade en Sibérie pour rechercher des défenses de mammouth. Car le trafic de défenses de mammouth, ça rapporte beaucoup dans cette région du monde, surtout pour le marché chinois. Que dire, si ce n'est que scénaristiquement, ça tient plutôt debout. Les personnages, c'est le gros défaut du titre, se ressemblent un peu tous. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de caractéristiques particulières, mis à part le héros qui est un héros, et le grand méchant qui est un grand méchant. Et les autres servent un petit peu de faire valoir, que ce soit au héros ou au méchant. Oui, je suis assez d'accord. Moi-même, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que ça posait des trucs intéressants, mais que c'était jamais... Enfin, ça tenait jamais vraiment ses promesses. Alors moi, j'aurais bien voulu... Pour être très honnête, je me suis fait chier, moi. Ah oui ? Ouais. Pas moi, mais j'aurais bien voulu que ça soit en plusieurs tomes, parce que je trouve la fin extrêmement rushée. Oui. Je trouve que vraiment, tout le long, ça pose des bases très intéressantes sur ce trafic qui existe pour de vrai. Que ça met une ambiance pesante, qui pour le coup est plutôt bien amenée et bien fichue. Mais la fin est expéditive as fuck. Bah tu vois, même l'ambiance, moi je suis jamais vraiment rentré dedans. Alors ce qui a pas aidé, c'est que visuellement j'ai pas aimé. Ouais, t'as le style particulier. On est dans un style très franco-belge, hein, avec des personnages à gros nez, ouais, c'est ça, petits yeux écarquillés. C'est... Alors le design du héros m'a un peu rappelé de loin celui de Chrono Squad. Oui. Et le souci, c'est que Chrono Squad est beaucoup mieux maîtrisé dans ses décors, ses couleurs et ses expressions faciales. Tandis que là, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement plat, ça fait vraiment cliché du franco-belge. Alors j'imagine qu'il y a une démarche, hein, derrière, une volonté d'avoir ce style-là pour ce genre d'histoire, mais j'ai trouvé, pour ma part, que ça n'allait pas ensemble, le mélange n'a jamais vraiment pris. Mm-hmm. Et voilà, c'est l'histoire, bah, comme tu dis, j'ai trouvé ça expéditif, moi, quasiment tout du long. C'est, on nous présente à peine les héros qui sont déjà en mission. Ah oui, clairement, je pense que le deuxième tome aurait pu être salutaire. Leur mission est toujours super rapide, le moindre rebondissement dure à peine et vite expédié. Donc finalement, j'ai jamais réellement ressenti le fait qu'ils étaient partis depuis des semaines, la difficulté de leur mission, donc... Ouais. Ouais, moi l'ambiance a bien fonctionné sur moi, c'est vraiment la caractérisation des personnages qui pêche un peu pour moi. Mais c'est dommage parce que c'était un titre que j'attendais plutôt pas mal. Quand j'ai vu le communiqué de l'éditeur, je me suis dit que le sujet est intéressant en tout cas. Ça, clairement, ouais. C'est plutôt original à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a une petite partie doc à la toute fin du bouquin, alors, qui est très réduite, mais qui est plutôt bienvenue. Oui, ça apporte quelques petits éléments, ouais. Quelques petits éclaircissements. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire en plus. Non, bah, disons qu'on peut pas dire qu'on ait touché le gros lot, quoi. Où est la ref? Je ne la vois pas. Pas le nom de l'auteur. Oh putain! Non, celle-là, tu me feras le plaisir de la couper. Non! Ah, dis donc, c'est qui fait de la rébellion? Messieurs, vous allez tous les deux reprendre la parole pour le prochain titre, puisqu'il s'agit d'un titre édité par Kana, dessiné. Alors, écrit, je ne sais pas, puisque vu qu'il adapte le film Batman Ninja, mais en tout cas, il dessine Masato Issa, après, à voir si. S'il y a réécriture du film ou pas, je ne sais pas. J'ai vu le film, je n'ai pas lu le manga. C'est vous deux qui allez nous en parler. Je n'ai pas vu le film, donc. Mais pareil. Du coup, tu pourras quand même nous parler un peu du film, peut-être, si vous voulez, en point de comparaison. Ouais, point de comparaison, si j'ai pas lu le manga, c'est compliqué. Mais... Oui, mais on va... Nous, on apporte le manga, toi, t'apportes le film, et on dit « Ah, c'était comme ça dans le film, c'était comme ça dans le manga. » Voilà, c'est ça. Ensemble. Esprit shonen, oui. Sachant donc que le manga est une adaptation du film. Exactement. C'est le film qui est l'œuvre, oui, principale. Voilà. Batman Ninja, ça nous raconte l'histoire de Batman. Ninja. Donc Batman, on découvre que c'est Bruce Wayne. Moi, je le savais pas déjà, donc j'ai été surpris. Tu pensais que c'était Clark Kent, comme beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Et puis Peter Parker, c'est qui? C'est Robin? Bah non, c'est Superman. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah là, c'est blague. Bon, plus sérieusement, c'est Batman qui, avec ses différents alliés, donc il y a en fait Robin et les anciens Robin, donc Red Hood, Nightwing et Red Robin, qui poursuivent à peu près tous les méchants principaux de l'univers de Batman autour de l'asile d'Arkham. Ils se concentrent tous là-bas et Batman se rend compte que c'est alors Gorilla Groot, c'est ça ? Ouais, Gorilla Groot. Que pour le coup, je ne connaissais pas. C'est un ennemi de Flash à la base. D'accord. Gloria Groud, qui a construit une espèce de machine et qui semble superviser tout ça. Alors, pour expliquer, Gloria Groud, c'est un singe doué de télépathie qui vient d'une autre terre. Alors, dans laquelle les singes ont pris possession, en fait. Ça s'appelle des singes. Ouais. Et pour expliquer, Batman, c'est un milliardaire qui fait le justicier de la nuit en étant habillé en chauve-souris. D'où l'explication. D'accord. Donc. Ah, on me frappe à distance. Vous ne voyez pas ça, heureusement. Donc, Gloria Groud qui a construit une espèce de grande machine qui va bugger et qui va renvoyer tout ce beau monde. Donc, les Robin, Batman, Alfred qui était dans le coin, Selina Kyle, donc Catwoman, et tous les méchants. Dans le Japon féodal, Batman va arriver 2 ans plus tard que les autres, on sait pas trop pourquoi. Si, c'est parce qu'il a été aspiré dans le truc un petit peu après tout le monde, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, non, parce qu'Alfred, il était à la périphérie. Oui, non, mais voilà, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est ça la raison qui est donnée dans le bouquin. C'est la raison qui nous est donnée. Et quand il débarque dans le Japon féodal, bah, tous les méchants qui ont été téléportés ont pris le contrôle chacun d'un fief d'une partie du Japon. Donc il y a le Joker, Double Face, le Pingouin, Poison Ivy, et j'oublie toujours son nom. Deathstroke, pardon. Ah, Deathstroke. Deathstroke et Harley Quinn aussi. Qui est très bon. Harley Quinn, insupportable. Bon. On y reviendra. Ah. Bon, ça, je trouve bah, comme dans le film, je pense. Attends, laisse-moi aller. Ok, bon, allez. Écoute, dès là pour l'instant. Et donc Batman débarque dans cet univers et il va se dire bah, je vais essayer d'aider la population à lutter contre tous ces méchants, surtout que lui il débarque avec sa Batmobile et une bonne partie de ses gadgets, donc il se dit ça va être facile, c'est eux ils ont 2 siècles de retard, donc je vais pouvoir les dominer sans peine. Et en même temps il va chercher à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a été renvoyé comme ça dans le temps, qu'est-ce que c'était que la machine de Gloria Groud. Moi j'ai passé un moment plutôt sympa, le début est très très très rapide, un peu bordélique pour tout dire dans le premier chapitre quand ils arrivent tous à l'asile d'Arkham, qu'on nous présente tous les Robin, qu'on nous présente tous les méchants. Pour quelqu'un qui connaît pas l'univers de Batman un minimum, ça peut être compliqué parce qu'autant les méchants sont plutôt des populaires à part Gloria Groud. Autant le fait qu'il y ait 36 Robin, déjà ça je pense que le grand public ne le sait pas. Moi je deviens pas Robin hein, à la place de n'importe qui, ça porte malheur visiblement. Après ça commence à prendre un peu plus son temps à partir du chapitre 2 quand ils arrivent dans le Japon féodal et je trouve que ça trouve son rythme. Après sur ce tome 1 c'est jamais extraordinaire mais je passe un plutôt bon moment, c'est un petit côté série B. Graphiquement c'est assez sage pour du Masato Isa mais ça reste son style habituel donc on retrouve les qualités qu'on a déjà évoquées dans cette émission de son style et j'aime bien la tête qu'il donne aux personnages de l'univers Batman et pour le coup dans les personnages tels qu'ils sont caractérisés pour le moment je trouve que ceux qu'on voit le plus dans, mis à part Batman et les Robin c'est Catwoman et Harley Quinn et je les trouve pas mal traité, c'est Harley Quinn effectivement a un côté insupportable, mais c'est le côté. Enfin, elle l'a à peu près toujours en fait son côté insupportable. Ouais, mais Harley Quinn. C'est plus une Harley Quinn des années 80-90 qu'une Harley Quinn d'aujourd'hui. Elle n'existait pas dans les années 80. Oui, Harley bah c'est une Harley Quinn des débuts, je m'y connais pas bien Batman, mais en tout cas c'est une Harley Quinn des premières Harley Quinn. C'est clairement une Harley Quinn de la période, reprise dans l'esprit du dessin animé dans lequel elle est apparue. En même temps, c'est aussi un Joker de l'esprit du dessin animé. Enfin, donc. Pour le coup, le Joker, je le trouve plus sombre que ce qu'il n'était dans le dessin animé. Moi, non. Je trouvais justement qu'il avait un traitement vraiment comique et pas sombre. Quoi. Après, oui, il y a un côté assez léger, de toute façon, pour le moment. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça dans le film d'animation, mais... Ouais. Le film d'animation, c'est de la pure détente. Ah oui, bah... C'est de la pure détente, série B également. Et je pense que ça vaut beaucoup plus en animation. Oui. Parce qu'il y a le côté animation, déjà, de base. Et parce que... le film aborde plusieurs styles graphiques en fait, chose que bah, du coup on aura pas dans le manga vu que c'est Masato Isa qui s'en occupe. Par exemple dans le film, alors j'ai vu, il n'y a pas ce passage là, ça sera sans doute dans le deuxième tome, il y a tout un passage où le Joker perd la mémoire, et donc c'est lui-même, et il commence à se remémorer tout ça, et à se souvenir de qui il est, et tout ça en fait c'est dessiné avec un style totalement différent du reste de l'animé, c'est dessiné à la façon pastel, avec des couleurs très criardes, et voilà, et donc il y a vraiment des styles différents qui s'opposent dans le film animé, chose que bah, du coup on perd... dans la version manga. Je pense que Masato Isaka est quand même un auteur qui graphiquement est vraiment doué, saura adapter son style pour retranscrire aussi des effets visuels. Je pense que ça, par contre, ça pourrait être intéressant à lire, au moins de voir comment il arrive à moduler son style. Après, moi, j'ai eu plus de mal parce que c'est quand même une adaptation fanservice d'un film qui est déjà fanservice. Donc je trouve que là, ça fait un peu surdose. Que c'est vraiment très très très sucré, bourrin. Enfin, on en passe sur la marchandise quoi, ça s'appelle ouais. Ninja, ah oui, oui non mais. Ninja, enfin bon, c'est une œuvre de commande qui est faite surtout pour satisfaire de manière assez presque primitive les fans de Batman et les fans du Japon féodal. Enfin, il n'y a pas d'effort narratif, c'est pour ça aussi que le scénario n'est pas ultra bien ficelé avec quand même quelques incohérences, c'est qu'en fait on s'en fout. C'est juste à faire de mettre des scènes d'action avec les personnages de Batman qui sont en tenue ninja. Moi ça me fait un peu de la peine de voir Masato Issa tomber dans ce genre de projet parce que c'est quand même un auteur qui a un potentiel narratif vraiment bien quoi, et qui a des choses à raconter, mais là vraiment sur ses deux derniers mangas il me perd un peu, donc j'espère qu'il aura un projet plus ambitieux bientôt. Mais voilà. Moi, si ça l'amuse de faire un truc comme oui ça, non mais si ça l'amuse il mais... peut s'amuser, voilà, c'est, il doit être fan bon. Lui-même. Moi, je sais pas, effectivement, hein. Ça vole pas bien haut. Ça, oui, c'est un projet de commande, mais on peut s'amuser sur un projet de commande. Et surtout, les projets de commande peuvent amener du financement pour un projet plus sérieux. Ouais, mais je pense que ça, le financement, il l'a. Enfin, le financement, c'est un auteur de manga, quoi. Le financement, ça passe par la publication et les magazines veulent bien de vie parce qu'il arrive à publier 47 mangas. Sauf s'il veut faire un truc indépendant de son côté. Ça m'étonnerait. Bon, on verra. Je n'en sais rien. Oui, mais c'est bon. C'est comme ça que le cinéma fonctionne, c'est comme ça que la musique fonctionne. On va pas supputer, oui, mais le manga, moins, quand même. Bah, tu me dis, on va pas supputer et tu supputes. Oui, non, mais. Ah disons que c'est quand même exceptionnel qu'un auteur installé dans le manga et qui soit pas en même temps un énorme géant se lance dans des projets en dehors du chemin de publication traditionnel. Qui a l'air de lui convenir parce qu'il marche avec plein de magazines, avec plein de. Il a pas l'air d'être particulièrement oppressé dans le système éditorial. Après, ça a l'air de lui convenir. Après, pour moi, comme le dit Sam, à partir du moment où l'auteur s'éclate à faire ce qu'il fait, je vois pas en quoi il y a une honte. Non, mais je dis pas que c'est une honte, je dis que moi, je préférais lire ces récits plus ambitieux. Et même graphiquement, en fait. Et je trouve que, ouais, enfin, pour moi, il a l'air de s'éclater, notamment dans la gestion de certains personnages secondaires. Bah, justement, Selina Kyle et Harley Quinn, j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien avec elle. Alfred aussi, et certains des Robin ont un côté plutôt fun. Mais je sais pas à quel point ça vient de lui ou du film d'animation qu'il adapte aussi. Après, le film, je l'ai vu maintenant il y a plus d'un an. Donc, ouais. Non, et puis t'as pas lu le manga, donc c'est compliqué. Voilà. Mais si ça se trouve, il y a un attachement au personnage qui vient plus du format d'origine. Enfin, on n'en sait rien, quoi. On peut pas dire que ça vient de lui si on n'a pas vu le film. Oui, certes, mais bon. Mais je lirai le manga. Faut le lire comme un... Faut le lire en tant que fan de Batman et pas en tant que fan de Masato Issa, quoi. Parce que ça peut être décevant de ce côté-là, je pense. Même pas forcément, les auteurs ont le droit de faire des œuvres mineures, oui, et oui, ça reste très cohérent dans son œuvre, parce qu'il y a toute une inspiration qui a toujours été là chez lui, donc je trouve ça assez cohérent. Ouais, après, oui, c'est une œuvre mineure dans tous les cas, mais plein d'artistes font des œuvres mineures, c'est pas forcément décevant pour autant. Oui, non, mais bon. Enfin, moi, ça me se voit sur d'autres trucs, c'est même pas juste en tant que c'est lui. Je pense que j'aurais encore moins aimé si c'était n'importe qui d'autre. Vous en avez fini avec Batman Ninja? Ouais. Passons au prochain titre, nous allons revenir sur du comics. Ce cher Arthur va se taire pendant quelques minutes. Enfin. Ouais, je suis bien d'accord avec cette affirmation. Chiant, lui. Moi aussi. On va vous parler de Coyote. Et Bip Bip. Nous allons vous parler de Coyote. Plus c'était gros parce que c'est Bip Bip et Coyote. Bah on a le droit d'inverser, non? Non. Non, monsieur, il faut rester dans les traditions. Donc Coyote, écrit par Sean Lewis et dessiné par Kathleen Yarsky. Édité par iComics. Et nous sommes en face d'un tome 1, qui pourrait suffire d'ailleurs à lui-même. Oui. Nous sommes dans une histoire se déroulant au Mexique, et qui revisite un petit peu le mythe du loup-garou. Loup-garou qui s'attaque à une population uniquement féminine. Et nous avons comme protagoniste un groupe de femmes unies dans l'adversité pour buter ces loups-garous, qu'elles-mêmes ont rebaptisé Coyote. Souvent des femmes qui ont perdu des proches dans des attaques de loups-garous. Oui, leur famille proche ou des amis. Et pour le pitch de base, ça va être uniquement ça. Oui, alors je trouve que c'est amené assez rapidement que visiblement ce qui transforme en loup-garou ou en coyote, vous appelez ça comme vous voulez, c'est lié à la masculinité. Oui. C'est pas longtemps dissimulé cet aspect-là. Donc il y a une métaphore très très nette qui se met en place. Mmh. Visuellement, c'est très joli. Avec pas mal de bonnes idées sur pas mal de planches. Surtout, il y a les backups avec. Donc les backups dans le milieu du comics, c'est vous avez l'épisode principal et vous avez une autre histoire qui s'intègre et qui est souvent dessinée par un autre illustrateur. Donc, c'est ce qu'on appelle un backup. Par exemple, je montre à Issam. Là, l'épisode se termine là. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un backup. D'accord. La partie qu'on appelle Kofi, et donc qui développe l'histoire de ce personnage-là, du personnage du flic. Donc, backup qui développe tous les autres personnages. Personnage super intéressant, c'est même d'ailleurs la grosse force de Coyote. La perso principale est limite un peu en retrait par rapport au personnage secondaire. Ça va peut-être se corriger dans les tomes suivants, mais pour l'instant, elle manque un peu de personnalité comparée à tous les autres. Alors, le personnage du flic est beaucoup plus intéressant. Ouais, et puis même sa copine avec qui elle fait sa formation est super intéressante. Et je trouve que petit à petit, il y a aussi toute une réflexion sur les moyens de la lutte qui est intéressante, qui se met en place, parce que ça part d'une situation où assez binaire, où les coyotes sont tous méchants et où les femmes qui vont le défendre forment une sorte de groupe du bien suprême, de justicière en absolu. Et peu à peu, l'héroïne elle-même se rend compte que c'est pas si simple que ça, notamment que les moyens visiblement mis en place par les justicières... Enfin, elles ont un peu une politique de « tous les moyens sont bons ». Et on peut se demander si c'est tout à fait vrai, s'il n'y a pas certaines extrémités qui finalement font d'elles aussi des criminels. Et il y a aussi toute une réflexion sur justement l'état des coyotes, qu'est-ce qui les transforme en coyotes, donc toute une réflexion du coup sur la masculinité et la masculinité. La masculinité toxique, pardon, qui se développe et qui je pense pourrait s'approfondir dans les tomes à venir. Donc ça c'est vachement intéressant. D'une manière plutôt intéressante. Ouais, c'est progressivement, ouais, c'est bien amené à ce niveau-là. C'est pas amené comme ça en fonçant dans le tas, non, c'est... Et à côté de ça, dans les scènes d'action, des fois, il y a un gros côté série B, où ça part en mode complètement bourrin, qui est assez fun, ça se lâche par moments. Et c'est très intéressant d'avoir transposé, oui, le mythe du loup-garou à cet univers mexicain, avec ses mythes et coutumes, le royaume des morts, la fête des morts... Tout ça, toute cette iconographie en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mythes de loup-garou. Oui. C'est une série toujours en cours, mais pourtant le premier tome pourrait se suffire lui-même. Hein. Oui, mais j'ai quand même envie de lire la suite. Clairement. À qui on pourrait conseiller ça ? Bah, aux amateurs de récits sociaux, d'une part, pour ça c'est quand même un truc qui est assez mis en avant. Et aux amateurs de fantastique, horreur à l'américaine aussi, c'est un peu le type d'ambiance qu'on a pu retrouver dans ce truc de vampire chez les rednecks, là, dont j'ai oublié le nom. Il y en a fait un. Non, en manga, en comics aussi. C'est peut-être redneck d'ailleurs le titre. Redneck. Ouais. Redneck, c'est un film, ça pourrait se rapprocher d'une ambiance à la nuit en enfer. En fait. Oui, ou ceux des livres de King, hein. C'est un peu le même type d'horreur américaine modernisée, assez gore, dans des milieux profonds, enfin de ruraux profonds. Voilà. Les imitants. Donc c'est vraiment cool. C'est à moi de ne de perdre la parole. Oh. Issam ne perd jamais la parole car il lit tout, chaque fois, tous les mois. Et pourtant, tous les mois, il est là, il nous fait j'aurais peut-être pas le temps de lire ça, gnagnagna. Au final, il lit toujours tout. T'as remarqué ? Oui, j'ai remarqué. Interaction semi-narrativisée, impromptue. Pourquoi il dit ça ? Je sais pas. Ah, je sais pas non plus. C'est de l'intertextualité, j'imagine. Exactement. Vous allez, tous les deux, nous parler de la vie. Ce. Pas eux, mais. Mais oui, ouais. Merci. Alors, c'est édité par qui déjà ? C'est Cornelius. Pardon, c'est hein. Édité par. La vache, la vis. Oh, putain. Il est marrant. C'est édité par Cornelius et c'est la seconde anthologie de l'auteur emblématique, enfin, d'un des auteurs emblématiques du magazine Garo, entre autres, Yoshiharu Tsuge. Et donc là, ce sont ses histoires courtes publiées entre 1968 et 1972. Sachant que donc la précédente anthologie qui s'appelait Les Fleurs Rouges, si je dis pas de bêtises, était parue à l'occasion du festival d'Angoulême dernier, et que la prochaine qui s'appellera, je sais plus comment, en tout cas sortira pour le festival d'Angoulême à venir et qu'a priori il y en aura 7 et qu'une exposition sera consacrée à l'auteur au même festival d'Angoulême. Voilà, comme ça je replace un peu le contexte autour de, du projet éditorial, si vous me permettez. Du coup... C'était très intéressant. Je n'aime pas beaucoup ce ton. C'était très très intéressant. C'était ironique. Ça aussi c'est de l'intertextualité forcée. Non, d'accord. Pas forcée du tout. Bref, donc toujours, je peux faire mon pseudo-résumé à la con. Tu peux. Oui. Merci. Personne ne nie que ce soit à la con, hein, ça vous êtes d'accord. Hein. Ok, bon. Ce sont 7 nouvelles plus ou moins... Enfin, c'est difficile à résumer, parce que c'est des nouvelles plus ou moins expérimentales, à chaque fois. Expérimentales. Non, ça suffit. Putain, je suis pas en forme. Enfin, donc, dont notamment la nouvelle éponyme, Lavis, qui est apparemment... Éponyme, c'est une des filles des Thénardier dans Les Misérables. Oh putain... Donc, dans la nouvelle éponyme, et il faut me laisser parler, hein, moi je perds le fil après. Cosette. Ah non, on a pas de ça ici, monsieur. Donc. Valjean, t'es qu'un PD. Ça suffit, ça suffit, je vais pleurer. Vas-y. Donc, et voilà, normalement je pense à Victor Hugo, et quand on pense à Victor Hugo, moi je pense qu'au ridicule de ses bouquins, donc. Je ris. Les comme l'homme. Quoi ? Bah, l'homme qui rit, tant qu'on est dans Victor Hugo. Donc, qu'on parle d'un bon auteur, de Yoshiharu Tsuge. Tu vas en chier pour le montage. Ouais, non, ça va être chiant. Hein. Ça sera laissé. Ah bon ? Oh putain. Quoi ? Ça sera laissé. Mais vous allez vraiment laisser là, tout mon harcèlement moral par deux cons qui arrêtent pas de me couper ? J'ai l'impression d'être une femme sur le plateau de BFM TV, c'est insupportable. Par contre, la passage que tu nous insultes, ça sera coupé. Oh non. La comparaison avec BFM TV sera gardée, parce que c'est rigolo. Ah. Bon allez, Lavis donc. Donc, Lavis, mais je reprends où je dis que ce sont 7 histoires courtes, bon, expérimentales. Mais du coup, il n'y a pas grand-chose à en dire, donc la nouvelle est connue. Lavis, elle est cruciforme ou elle est... Donc, Lavis, la nouvelle éponyme, est considérée comme absolument fondamentale dans l'histoire du manga au Japon, notamment parce qu'elle a... alors, je sais pas vraiment pourquoi, je m'y connais pas trop en intertextualité dans le manga, mais a priori, ça a été fondateur au niveau de principes narratifs divers et de narration par l'image. Putain, invivable. C'est invivable. Bon, donc je vais aller super vite parce que je n'arrive pas à parler. Donc c'est bien, c'est inégal évidemment, beaucoup de styles graphiques différents pour beaucoup d'expérimentations. C'est très particulier, parfois un peu opaque et abscon, mais très appréciable quand même, et surtout appréciable dans sa valeur historique et iconographique aussi, dans ce que ça représente dans l'histoire du manga au Japon. Maintenant je ferme ma gueule parce que de toute façon j'arrive pas trop à l'ouvrir. Je fais semblant d'être énervé, en vrai je m'en fous, je peux manger comme ça. Alors ce que j'ai à en dire, moi c'est j'ai globalement bien aimé, comme l'a dit Arthur, c'est inégal parce que bah, c'est un peu plus ou moins toujours le cas avec les recueils. Là je trouve que c'est la nouvelle titre qui marche le mieux parce que c'est la plus longue et en fait la manière d'écrire de l'auteur donne un côté très, très onirique, il y a un côté presque cadavre-exquis dans sa façon d'écrire ou écriture automatique. Ça évolue par association d'idées entre guillemets, mais qui sont parfois assez floues, assez flottantes, et donc ça part de plus en plus dans des délires assez absurdes, dans un univers totalement décalé, et forcément ça marche mieux quand ça a le temps de se décaler de plus en plus, tandis que sur les nouvelles courtes finalement le décalage est assez modéré et c'est un peu moins intéressant, mais Lavis c'est vraiment très cool. C'est impossible à résumer parce que pas vraiment d'intrigue en fait, ça passe d'une idée à une autre. Mais... Ouais, enfin, c'est comme tu disais, c'est des liaisons par motif et par. Enfin, on sent que c'est très intime à chaque fois, que oui, c'est assez nébuleux. Mais je trouve que justement, le décalage qui, dans la nouvelle éponyme Lavis, se fait par lien, comme ça, comme tu disais, se fait plus par à-coup dans les nouvelles plus courtes, où il y a d'un coup. Un élément d'absurde beaucoup plus frappant, et donc c'est vrai que ça sonne moins onirique, mais ça permet aussi de développer un autre rapport à l'expérimental et à l'absurde qui marche assez bien, notamment quand ça s'accompagne d'expérimentations graphiques, ce qui est à peu près le cas tout le temps, oui. Mais il y en a des plus ou moins marquantes et des plus ou moins réussies. tout un travail aussi au niveau des codes de la bande dessinée, des travaux sur les phylactères qui se transforment en objets diégétiques. Il me semble qu'à un moment, ils se transforment en panneaux, un truc comme ça, quand ils marchent le long d'une route, des panneaux vides. Et non, enfin voilà, donc à la fois intime, intertextuel et historiquement très très important, je pense. Au niveau de la progression de la nouvelle titre, la vis, ça m'a rappelé un peu la narration dans la trilogie Taisho de Seijun Suzuki. Pour ceux qui auraient vu Mélodie de Sigan ou Yumiji, ça évoque un peu ça. D'accord. Est-ce que vous avez fini avec la vis ? Oui. Oui. Tu vas te retaire. Avec la vie aussi. Ah tu vas te retaire, Arthur. Parce qu'on va parler franco-belge avec Issam. Et vu qu'on va parler nazi, je pense que c'est lui qui va faire le résumé. On va vous parler de V-Girl, édité par Soleil, écrit par Pekko et dessiné par Ukropina. Je le fais avec l'accent ou... Alors non, je ne veux pas de problème. Pas honte. Alors, V-Girl, l'œil du diable, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Alors ça a comme héroïne Eddie Lamar, qui au début est mariée à un riche homme d'affaires qui fricote avec les nazis. Elle décide de s'enfuir et elle va découvrir qu'il y a des gens qui la surveillent, des grands producteurs du milieu du cinéma, donc Louis B. Mayer notamment, et qu'elle semble avoir en elle la capacité à communiquer avec un élémentaire. Et elle est recherchée du coup par Louis B. Mayer, qui veut lutter... contre les nazis en utilisant différentes femmes qui ont en elles ces élémentaires. Donc elle, c'est l'élémentaire d'eau. Et on va en découvrir au moins un autre au cours de l'histoire. Donc ça mélange comme ça donc, la lutte contre le nazisme, le milieu d'Hollywood, parce que c'est là-bas que se met en place toute la résistance, et c'est en partie par les techniques du cinéma qu'ils essaient d'éveiller ces élémentaires et de les contrôler. Voilà, je vois pas trop quoi ajouter, parce que le premier tome, c'est surtout un tome de mise en place de l'univers, qui pour le coup est vraiment imaginatif, je trouve. Moi, j'ai globalement vraiment bien aimé, déjà parce que l'époque m'intéresse. Oui, on comprend pourquoi. Non, mais même le milieu du cinéma de l'époque, je trouve ça intéressant d'avoir approché de cette manière. On rencontre du coup plein de producteurs, d'acteurs et d'actrices, et de réalisateurs assez connus de cette période-là, qui ont tous à peu près une double fonction ici, qui travaillent aussi pour les services secrets. Graphiquement, c'est pas forcément très original, mais c'est vraiment propre. C'est même très classique. Oui. Même très classique, mais ça tient la route. Ouais, voilà. Et je trouve l'univers que ça met en place plutôt cool. Alors après, reste à voir comment ça va se développer sur les tomes suivants, parce que là, c'est vraiment un tome d'introduction. Ouais, c'est vraiment une mise en place. Mais moi, ça m'a donné plutôt envie de connaître la suite. Oui, tout pareil. Tout comme toi, bah oui, c'est un tome d'introduction, donc difficile d'en dire plus. Visuellement, c'est chouette. On peut dire que la mise en page a quelques petits moments de fulgurance, mais qu'elle est très classique. Oui. Ça reste du gaufrier, comme on dit, plutôt habituel. Ouais, mis à part la scène de l'avion, comme ça, où des fois on a des Picasso qui se baladent par-ci par-là, mais sinon tout le reste est très classique. À voir comment se déroulera la suite, mais premier tome plutôt prometteur. On va pas s'attarder beaucoup plus dessus. Non. Mais V-Girl, oui, ça peut plaire à toute personne qui aime les récits fantastiques et même un petit peu de guerre. Ouais, et puis qui aime les séries B. Enfin, il y a tout un côté série B avec des nazis, comme on a pu en avoir plein de tout temps. Clairement, c'est pas traité de manière ultra sérieuse. Voilà. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on aura des propos hyper profonds sur les camps de concentration et compagnie. Il sera le nazi traité vraiment comme un méchant de série B, donc le gros méchant. Et, ou alors, ça serait très surprenant. Ouais, c'est ça. Mais oui, une lecture loin d'être désagréable. Quoi qu'il en soit. On va enchaîner, on va pas perdre de temps. Et c'est Arthur qui va garder la parole, Issam et moi. Qui va reprendre la parole. Qui va la garder même, parce que c'est lui seul qui a lu le prochain titre dont il est question. D'accord. Kirihito, édité par Delcourt. Une réédition de l'œuvre de Tezuka. Oui, publié en 1972. Et ressorti du coup cette année. En intégrale. Dans la nouvelle très jolie collection Otomo. De 90 ans. Kirihito, c'est l'histoire d'un jeune médecin plein de rêves et d'ambitions, qui s'appelle donc Kirihito Osanai de mémoire, mais j'ai lu le truc il y a un bout de temps. Bref, Donc il s'appelle Quel professionnalisme cette émission. Oui, non mais voilà, c'est assez expérimental à chaque fois au niveau des résumés. Kirito, il travaille sur un nouveau mal qui fait des ravages au Japon et ailleurs, et surtout dans les milieux ruraux. La pauvreté. Alors non, ça c'est pas nouveau. Donc c'est la Monmo, qui est une maladie qui transforme les personnes infectées, ou du moins touchées par la maladie, progressivement en homme bête, homme chien loup. Voilà. Un peu comme la pauvreté, quoi. Donc voilà, petit à petit, évidemment. Et ouais, du coup, comme souvent avec l'auteur, c'est un mélange de manga social, manga politique, manga policier, manga d'aventure, bande dessinée de film d'action, pardon. Bref, psychologique et tout. Alors, c'est bien, sans doute pas mon préféré de lui. Après, comme d'habitude, voilà, bon, il y a forte implication politique, vraiment prenant. Gros travail de la mise en page aussi, comme souvent. Ouais, mais ça, c'est comme souvent, et d'ailleurs pas particulièrement. Si, quand même. C'est quand même celui où, au niveau de la mise en scène et de la mise en page, il y a quand même des choses qui commencent à se mettre en place qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Enfin, ouais, là, je peux dès le début chez lui, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a, ouais, il y a vraiment des trucs super réussis à ce niveau-là, des personnages qui sont très très très intéressants et complexes et qui ont une belle évolution. Voilà, vraiment très intéressant et très surprenant dans ce que ça propose, tant au niveau d'une lecture politique que d'une lecture purement policière d'action de. Vraiment un très bon Tezuka, comme à peu près globalement tous ceux qui sont ressortis dans cette collection qui, en général... pas mal de gros tomes. Ouais, le prochain ce sera normalement Phoenix, et après il y aura Princesse Saphir. 105 tomes, Phoenix, je crois. Ouais, que c'est un longueur. 5 ou 6 gros volumes, 5 ouais, d'une 800aine de pages à peu près, donc c'est assez massif, surtout que la narration de Tezuka n'est pas ce qu'il y a de plus... léger, ce qui est pas péjoratif, mais en tout cas, oui, c'est bavard. Quand il fait 800 pages, c'est dense, quoi. C'est pas forcément bavard, mais en termes d'événements, c'est assez dense, quoi. Oui. Arthur va garder la parole, bon. Issam va récupérer la parole, et moi je vais rester muet. Parce que vous allez nous parler d'un manga qu'Issam n'a pas ramené. Donc comme quoi, c'est pas moi l'ami qui garde des mangas qui ne la ramène pas. Vous allez nous parler d'une adaptation de Lovecraft dans L'Abîme du Temps, édité par Kiyun, il me semble. Ouais. Oui. Dans une très jolie édition, c'est la même édition que pour Les Montagnes Hallucinées. Oui. Donc dans une très jolie édition. Couverture, effet simili-cuir, voilà. Messieurs, je vous écoute. La différence, je crois que c'est que là, le simili-cuir est de couleur grise. Ouais. Alors que sur Les Montagnes Hallucinées, c'était marron. Le nom de l'auteur, c'est quoi déjà ? Gotanabe. Donc de Gotanabe. Donc c'est une adaptation d'une longue nouvelle de Lovecraft, sur un professeur d'université qui, un jour, en plein cours, tombe évanoui et se réveille en ayant perdu la mémoire. Et il se rend compte, en fait, en se réveillant, qu'en réalité, plusieurs années sont passées, une dizaine d'années sont passées, et qu'il y a eu toute une période entre depuis qu'il a perdu la mémoire, où il était un peu comme devenu une autre personne. Donc, c'est-à-dire, en fait, après s'être évanoui la première fois à l'université, il avait perdu une première fois la mémoire, et quand il s'était réveillé, il avait des centres d'intérêt extrêmement différents de ceux liés à son domaine de spécialité. Il avait commencé à consulter plein de livres étranges sur l'ésotérisme, sur des cultures diverses. Il avait commencé à lire des langues qu'il n'était pas censé savoir parler, à faire des voyages un peu partout dans le monde, on ne sait pas trop pourquoi. Et au bout d'un certain temps, il s'est de nouveau évanoui, et quand il s'est réveillé, il était redevenu celui qu'il était au départ. Et il va commencer à enquêter sur tout ça et se rendre compte que, visiblement, il a approché en esprit une civilisation, pas extraterrestre, mais alternative, on va dire. Mais qui précédait... Une autre race, une race ancienne. Une civilisation qu'il n'aurait pas été censé approcher, et il va essayer de s'approcher de plus en plus du secret de ce qui s'est passé et potentiellement se brûler les ailes, parce que comme toujours chez Lovecraft, quand on approche de trop près de certains secrets, c'est jamais très bon. Et puis Lovecraft, c'est pas un auteur qui écrit des nouvelles ou des romans qui se terminent très bien en général. Ouais, voilà, c'est... Bon, là, c'est pas son pire. C'est une très bonne nouvelle dans L'Abîme du Temps. Ça fait partie des gros classiques de Lovecraft. Ouais. Avec Les Montagnes Hallucinées. Ouais. Et La couleur tombée du ciel, qui apparemment a aussi été adapté par cet auteur-là. Et c'était quoi le deuxième... Ah non, c'était la deuxième partie des Montagnes Hallucinées. Oui. Bon, enfin, je sais pas si on le dit ou si tu le couperas, mais La couleur tombée du ciel qui sortira en mars, mais bon. D'accord. Ouais, c'est pas annoncé officiellement par l'auteur, après c'est implicitement dit qu'ils publieront toutes les adaptations de Lovecraft par cet auteur, et il en a fait pas mal. Mmh. Il vient de terminer L'appel de Cthulhu, qui est aussi en plusieurs tomes. Qui est le gros morceau de ouais. Lovecraft. Hein, donc ça, je serais curieux de voir. Ouais. Bref, globalement, j'ai beaucoup aimé. Bon bah déjà, je suis un peu conquis d'avance pour ce que j'adore Lovecraft. Je suis pas le seul ici, je crois. Quand on aime les récits un petit peu d'épouvante, Lovecraft... Ouais, c'est un relatif incontournable. Il faut juste maintenant, à l'époque où on vit, il faut juste passer outre le côté fasciste de Lovecraft. Hein, oui, voilà. Oui, clairement, mais au niveau des mécaniques de l'horreur et de l'univers qu'il développe, ça reste extrêmement riche. En termes d'écriture, et ce serait bête de jeter tout ça en même temps que, c'est un génie, quoi. Que l'auteur qui était un connard. À partir du moment où il est mort, c'est pas... Voilà. Gênant, et que ça oui, et puis il faut juste savoir identifier ça quand ça a une influence sur ses récits et savoir relativiser certains aspects de ses récits, effectivement. D'accord, ça n'a pas trop d'influence sur ses récits, je trouve. Non, la plupart du temps, pas trop. Voilà, ça n'a pas énormément d'impact. On sent que, bon, il y a des mots qui normalement devraient plus être utilisés qu'ils l'étaient à l'époque, voilà. Après, la différence, c'est que là, les mots étaient aussi utilisés à l'époque, gens qui n'étaient pas forcément foncièrement racistes. Après, lui, par contre, il était. Lui, il était. Mais c'est pas ça, il était misogyne aussi. Hein. Oui, il a tous les mots du monde, quoi. Mais... Ouais. Ben voilà, c'était un fiefé connard. Enfin, le nombre d'auteurs misogynes à l'époque, même Conan Doyle l'était. Ouais. Oui. Donc lui, il cumulait. Ouais, c'est ça. Lui, c'était un petit peu le... C'était le Céline de chez lui, quoi. Bref, donc niveau récit, c'est excellent. Niveau graphique, c'est extrêmement détaillé, je trouve. C'est au niveau des architectures, il y a un travail qui est assez impressionnant. Ouais. Qui est impressionnant aussi dans la manière de réussir à représenter les architectures donc des races anciennes, qui vont s'inspirer de certaines architectures humaines, notamment antiques, mais en leur donnant un côté étrange, limite impossible des fois, tu comprends pas exactement quelle est la fonction de chaque élément du bâtiment, tu sens que c'est pas prévu pour des humains. Mais ça c'est déjà quelque chose qui était déjà travaillé vraiment dans les nouvelles de Lovecraft, hein, tout cet ineffable et cet indicible au niveau de... Ouais, mais justement à partir du moment où il faut le représenter, ça représente une difficulté assez majeure. Mais justement c'est plutôt bien géré à ce niveau-là, ouais. Parce que Lovecraft effectivement pouvait se permettre de dire, c'était indescriptible, c'est ce qu'il faisait avec la plupart de ses créatures, il les décrivait de manière très floue parce que les personnages les voyaient jamais entièrement. C'est par la négation, plus dur à faire, beaucoup. Par, par le dessin. Et ça le fait très bien. Même les créatures qui nous sont montrées, je trouve que leur design est très intéressant parce que justement, tu as un côté. On est obligé de les décrire comme des espèces de triangles dans mon souvenir. Il y en a beaucoup des créatures différentes, donc. Mais là, il y a une race qui, je crois, est décrite comme étant un triangle, mais quand tu la vois, tu discernes une vague forme de triangle, mais ça suffit pas à la décrire, c'est juste que tu aurais du mal à dire plus précisément ce qui pourrait la décrire facilement. Oui, c'est par approximation. Donc c'est vraiment très bien fait, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus, et qui est clairement la plus grosse valeur ajoutée du manga, c'est de voir cette représentation... l'univers de Lovecraft. Et ce qui est aussi permis, justement, pour pas trop en montrer, ce qui aurait été, je pense, une erreur et qui aurait perdu toutes ses intentions de Lovecraft, par un trait qui est très, très, très sombre et qui joue beaucoup avec des ombres, qui fait que les architectures, globalement, tout se passe soit dans un intérieur sans aucun éclairage, soit de nuit, dans des atmosphères très sombres. Et il a un trait extrêmement contrasté et qui joue beaucoup sur des teintes de gris foncé, etc. Ce qui fait que les créatures apparaissent toujours à moitié tapis dans l'ombre, pour les architectures c'est pareil, qui permet de garder un côté assez approximatif, mystérieux, et voilà, c'est vraiment un grand dessinateur, quoi. Et puis t'as tout un thème du gigantisme aussi, des architectures, c'est notamment la bibliothèque des anciens qui est censée contenir toutes les connaissances de toutes les cultures humaines de tous les temps. Donc c'est une espèce d'immense bibliothèque qui s'étend à perte de vue, mais dans toutes les directions, c'est en hauteur, on comprend pas jusqu'où ça monte, dans tous les sens. Y a beaucoup de travail là-dessus aussi, sur des échelles qui sont pas humaines, et c'est vachement intéressant. C'est vraiment une très bonne représentation picturale de Lovecraft, et c'est pas simple, je pense, à faire. Ouais. Le cinéma s'est beaucoup cassé les dents. Je pense qu'on n'a pas eu une seule vraiment bonne adaptation de Lovecraft. Hein. C'est... Voilà, moi, oui. J'ai toujours espoir de voir un jour Les Montagnes Hallucinées de Del Toro. Mais... La meilleure, c'est Dagoud, et c'est pas non plus... Ouais. C'est pas non plus extraordinaire. C'est très... Disons que ça transforme le truc en quelque chose de très série B, de très frontal. C'est ça. Mais ce qui là, justement, n'est pas le cas, notamment par le travail graphique. Et... Ouais, et un travail d'ambiance, et c'est... En tout cas, je pense que c'est vraiment l'auteur idéal pour ce projet. Ouais. Donc... Autre chose à en dire ou... Si c'est pareil que pour Les Montagnes Hallucinées, du coup l'édition est magnifique. Ah oui, l'édition est une très très bonne facture. Pour un prix. Très correct. Très correct, parce que c'est 15 euros dans mes souvenirs. Ouais, 17, je crois. Ah ouais. Il y a peut-être une augmentation alors, du coup. C'est aussi une augmentation du fait que les volumes sont plus épais. Enfin, d'accord. Que le volume est plus épais justement, vu qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord, oui, d'accord. Mais oui, même 17 euros, ça reste plus correct pour la qualité du bouquin. Voilà. Est-ce que vous en avez fini avec Dans l'abîme du temps? Oui, oui. C'est Issam maintenant qui va garder la parole et nous deux on va se taire puisque tu vas nous parler de Elsa Brandt, une vie en manga, édité par Kana et créé et dessiné par Elsa Brandt. Et voilà, c'est quand même assez extraordinaire quand même le hasard des éditions. Ça aurait été marrant que ce soit un autre auteur qui dessine le rapport au manga d'Elsa Brandt. Bah, Eric Zemmour, ça aurait pu être fun. En même temps, je crois que Elsa Brandt, ça fait pas partie du titre, hein, c'est le nom de l'autrice. Ouais. Comme c'est précisé sur toutes les couvertures de tous les livres. Écoute, ce n'est pas moi qui ai. Mais c'est parce que je n'avais plus le nom du manga. Donc, oui, c'est ça. J'ai dit. Je sais plus ce que j'ai écrit, mais voilà. C'était pour qu'on sache de quoi on parle. Quoi. Donc, qui est un essai sous forme de manga. Je dirais plutôt une autobiographie. D'accord. Sous forme de manga. Donc de Elsa Brandt, qui est la mangaka qui a fait Save Me Pity, que je n'ai pas lu, qui nous raconte comment elle a été influencée dans son enfance par tous les dessins animés japonais qui ont commencé à être diffusés à la télé, et comment ça lui a donné envie elle-même de faire de la bande dessinée, et plus précisément de la bande dessinée manga, d'inspiration manga. Comment elle s'est lancée dans le milieu, le travail qu'elle a dû faire, comment elle le gère avec sa vie de famille, ses premiers succès et compagnie. Alors bon, évidemment, je pense que c'est plutôt destiné à ceux qui ont lu Save Me Pity et qui apprécient le travail de l'autrice de base, mais j'ai tout de même passé un bon moment en le lisant. C'est assez intéressant. Ce dans quoi je me suis le plus retrouvé, finalement, c'est dans l'amour d'Elsa Brandt pour cette pop culture naissante et son envie, je pense, très sincère de retranscrire tout ce qu'elle a pu aimer dans sa propre œuvre. Donc, c'est notamment une grosse fan de Rumiko Takahashi. Ouais. L'autrice de Ranma et Demi. Ouais, ça se sent d'ailleurs très clairement graphiquement dans son style. À la fin d'ailleurs, il y a tout un côté, il y a tout un hommage à elle. Elle vient donc d'être Grand Prix à Angoulême et le manga se termine plus ou moins là-dessus. Mm. Donc c'est vraiment sympa, ça fonctionne sous forme de petites scénettes assez courtes en mélangeant plusieurs types de mise en page, parce que des fois il y a des petits trucs sur plusieurs pages, des fois il y a des espèces de fiches de présentation de personnages comme on peut en avoir dans les pages bonus de Shonen et compagnie. Des fois ça prend un format gag manga avec des petites anecdotes en 4 cases en lecture verticale. Donc il y a un mélange de styles qui est assez intéressant. Et ouais, c'est fun, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Alors moi, quand tu l'as lu, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit, c'est très intéressant, mais ça donne pas du tout envie de faire de la bande dessinée. Alors oui, après bon, ça c'est lié à mon rapport au travail. Si elle nous explique qu'elle travaille 15 heures par jour, qu'à côté de ça, elle s'occupe de ses enfants et compagnie. Bon, elle a l'air passionnée, elle a l'air de plutôt bien le vivre. Hein. Enfin, après, c'est un manga qui est assez léger, donc j'imagine que ses états dépressifs, elle n'en parle pas non plus. Ouais, parce que des fois, sur Twitter, on voit passer des messages bizarres. Bref. De elle ? Ouais. J'espère qu'elle nous écoute pas. Je suis sur le bord de mon balcon. Elle a l'air d'avoir... Désolé, mes éditeurs. Regardez si je saute, like si je ne saute pas. Oh mon Dieu. Elle a l'air d'avoir un rythme assez difficile, et c'est pour ça que moi ça me donne pas du tout envie, quoi. C'est vraiment, elle se sacrifie pour ce qu'elle fait, bon bah c'est son choix. C'est le plaisir de l'art. Ouais, c'est ça, moi j'ai jamais été, vous le savez, on a souvent parlé, c'est un truc qui me met hyper mal à l'aise. T'es un gros flemmard, un gauchiste. Ouais, mais si c'était un truc qui te passionne. Même pas mes passions, moi le sacrifice comme ça de tout, en fait le sacrifice de tous ces centres d'intérêt pour une passion... C'est je pourrais pas, je pense. C'est pour ça que je pourrais jamais réussir dans un domaine artistique. Dans le cinéma ou dans n'importe quel domaine. Ce qui me fait chier, parce que du coup, j'aurais pas de vie. Voilà, c'était instant déprime. RC si je saute, s'il ne saute pas. Like si c'est les autres qui m'abattent. Mais non, ouais, c'est un. Je peux pas participer à ça, moi. Moi, ouais. Ah, d'accord. Mais ouais, c'est un bon moment, donc. Je recommande, que ce soit aux fans de ce qu'elle a pu faire auparavant ou à ceux qui veulent en savoir un peu plus sur comment même, on peut devenir mangaka en France. Même si tu loupes des références parce que tu n'as pas lu Save Me Pity, c'est pas un souci non plus. Non, et il n'y a pas vraiment de référence. D'accord. Elle va parler de sa série, elle va dire que ça a bien marché, mais il n'y a pas de référence qui nécessite d'avoir lu Save Me Pity. Il suffit de savoir que c'est une série qui a existé et qui a pas mal marché. C'est en combien de tomes, Save Me Pity? C'est 5 tomes. 5 tomes. 5 ou 6. 5 ou 6. Ouais. Édité également par Canard. Je crois qu'il y avait un tome plus ou moins bonus, un truc comme ça. Et son mari, c'est celui qui a fait notamment City Hall. Enfin, qui dessine City Hall. D'accord, édité par Ankama. Et il n'a rien fait d'autre depuis City Hall? Alors, si, mais j'ai oublié. Okay. T'as rien à rajouter? Non. Tu ne l'as pas lu? Rien à rajouter? J'avais lu le début de Save Me Pity, c'est assez drôle de mémoire. Ah oui? Ouais. De ce que j'ai compris, Save Me Pity a aussi une grosse inspiration Takahashi... Miko Takahashi, oui, ça a l'air d'être vraiment sa référence principale niveau manga. Une grande autrice du manga en même temps. Oui. Ce serait bien qu'elle fasse des mangas qui soient pas très chiants, mais. Oh, c'est très bien ce qu'elle fait, Takahashi. Oui, c'est bien, mais on s'ennuie quoi. Le recueil du novel qui est sorti dès le cours était très bien. Hein. Lequel? Ils en ont sorti plusieurs. Rumiko One quelque chose. One W, non? Oui, un truc comme ça. Ouais. Pourquoi pas? Moi, j'avais lu un tiers de Ranma 1,5 et c'est pas pour moi. Bon, on va rester chez Kana, mais on va changer de catégorie puisqu'on va vous parler de Blonde Into You, un Yuri. Un shonen. Techniquement, c'est un shonen publié en shoujo alors que c'est un... Bref, c'est un bordel, mais à la base, c'est publié dans un magazine de shonen. Ah oui, je peux vérifier, mais c'est dans le même magazine que, par exemple... D'accord, parce qu'on nous le vend comme un Yuri. Gunslinger Girl, oui, non, mais. Enfin, on nous le vend comme un shoujo, qui en fait serait un Yuri. C'est pas du tout un shonen, Gunslinger Girl. C'est le magazine. Bah, alors peut-être un shonen, mais enfin, c'est le magazine de Yotsuba aussi. Bah, du coup, qui est un shonen alors? Le magazine de. Et vous qui est un shonen? Ouais, en tout cas, c'est pas un Yuri. D'accord. C'est ça. Pendant 5 minutes, tu viens nous sortir que c'est le magazine de Naruto. Non, mais enfin, on s'en fout du contenu du récit. Oui, c'est pas ça qui dicte le. Bon. On va vous parler de Bloom Into You, édité par Kana. Donc, Bloom Into You, c'est écrit et dessiné par Nio Nakatani. Et ça nous raconte l'histoire de Yu, une jeune lycéenne. Qui n'est jamais tombée amoureuse et qui complexe un peu autour de ça, parce qu'il y a toutes ses copines autour d'elle qui parlent de leur. De leurs aventures amoureuses, de leurs émois, de leurs premiers émois. Pourquoi tu rigoles? Je t'imagine en train de parler de trucs absolument obscènes à la cantine. Et elle qui est à côté. Et un jour, elle rencontre Toko Nanami, qui est donc une membre du conseil des élèves, donc qui est un peu le cliché de la fille populaire dans les mangas japonais dans un milieu lycéen. Et elle va se rapprocher d'elle parce qu'elle découvre que Toko, elle non plus, n'a jamais eu de ce genre de ressenti amoureux, et donc elle va se retrouver un peu dans elle et se dire qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a quelqu'un au moins pour la comprendre. Sauf qu'au bout d'un moment, Toko va lui dire que peut-être que je pourrais t'aimer, toi. Et donc il y a une relation un peu timide pour l'instant qui a commencé à se lier entre les deux, qui semble hésiter pour le moment entre est-ce qu'elles sont juste très très très amies, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus que pour l'instant elles n'assument pas du tout en tout cas. Quoi? Sur la fin du tome... Pour moi il y en a une qui semble hésiter, l'autre elle est plutôt clairement pour une relation qui va plus que de l'amitié. Hein. Ouais, même l'autre, je trouve qu'il n'y en a aucune des deux qui s'assume vraiment dans le tome. Enfin, pour moi déjà, cette relation va beaucoup trop vite. Elle s'assume peut-être pas en tant que lesbienne, mais en tout cas, elle s'assume dans la relation en tant que je veux être avec toi, quoi. Oui, ouais, enfin, il y a des. Peut y avoir une hésitation à ce niveau-là, quoi. Ah, t'es va-et-vient. Je trouve pour l'instant que pour les deux, ça a pas l'air d'être bien. Enfin, on s'en fout, au pire, c'est pas le cœur du. Moi, je trouve pas que ça va trop vite. Hein. Ah, si, moi, je trouve que ça va vite. Le côté, toi, je pourrais t'aimer. Je pense que la série. Nulle part. Oui, mais je pense que ça, c'est un peu comme dans Demon Slayer, quoi. Je pense que ça va vraiment se concentrer sur leur relation et comment elle évolue une fois qu'elles seront en couple. Ou du moins, une fois qu'elles seront vraiment dans une relation solide. Je pense que c'est sur ça que ça va se concentrer. Série qui d'ailleurs va... Le 8e et dernier tome sortira au Japon en novembre, donc ce sera fini en 8 tomes. Voilà. Visuellement, c'est pas particulièrement original, mais c'est très propre. Je trouve ça très bien. C'est maîtrisé. Ouais, c'est classique, mais c'est pas dégueulasse. Donc, ouais. C'est même propre, ouais. Bon, après, dans ce genre de titre, évidemment, tout va reposer sur, sur le couple principal, et je le trouve vraiment attachante pour le coup. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça très mignon, j'ai trouvé ça très agréable à lire, donc j'ai vraiment passé un très chouette moment en le lisant. Moi, c'était une lecture qui m'a laissé un peu indifférent. Voilà. Non, moi, je te rejoins plutôt Issam. Moi, c'est pas mon registre particulier, donc j'ai pas vraiment de coup de cœur, mais je trouve que c'est très bien maîtrisé au niveau de la relation, de la représentation des sentiments, très attachant, très mignon, et que ça présage plutôt du bon pour la suite, notamment du fait que de ce que m'ont dit les lecteurs de Scan, parce que la série est relativement populaire, même enfin une petite communauté francophone qui précédait l'arrivée du titre en manga. Les légères maladresses au niveau du traitement de l'homosexualité et tout ça sont vite réglées et tiendraient plutôt d'un cheminement psychologique des personnages que d'une pensée de l'autrice. Ouais, parce qu'il y a quand même des trucs, je peux pas aimer une fille parce que je suis une fille et tout ça, oui. C'est pas un propos du manga, c'est un cheminement psychologique qui sera réglé par la suite. Moi aussi, sûrement, c'est clair. Mais ouais, c'est... mais bon. Ça aurait pas été étonnant, mais apparemment ça tient plutôt à ça et ça développe petit à petit, même si c'est absolument pas ni une nécessité ni quoi que ce soit, petit à petit peut-être un peu plus une affirmation d'une défense ou en tout cas d'une reconnaissance de l'homosexualité. Ce qui est plus un plus. Propos donné par un personnage sur Internet. Non, mais... reproché, j'ai juste dit que ça m'a tilté. Par contre, ce que je reproche, c'est le baiser volé, mais ça, je le reproche à tout le monde, n'importe quelle œuvre. Ouais. Oui. Ça, le consentement, non, c'est. Voilà. Mais bon, ça, c'est beaucoup en demander à une romance, et surtout une romance homosexuelle, que de bien gérer le consentement. Mais, donc, mais c'est bien de le signaler. Voilà. On a la chose à dire. Moi, dans le style romance. Romance entre femmes, j'ai une préférence pour Kaze-san qu'on a lu il y a quelques mois. Moi non, je préfère vraiment celui-ci. Mais Kaze-san est vraiment plus axé sur la tranche de vie et sur du mignon. Là, je pense que ça va vraiment plus s'attarder sur le développement d'une relation. Ce que, en tout cas, présageait pas le premier volume de Kaze-san aussi massivement que celui-là. Et par ailleurs, pour le baiser volé, je pense que c'est aussi un moyen de lancer vite leur relation. Même si ça n'excuse pas, c'est aussi un procédé narratif qui fait que ça avance vite d'un coup, quoi. Comme tu l'as dit, ça n'excuse pas. Oui, ça n'excuse pas, mais j'essaie de rationaliser narratologiquement. Non. Comme je dis, ça n'excuse pas, mais je pense qu'elle s'est dit, ça ira vite. Ça n'excuse pas. Voilà, il y a tout moyen. Non, mais je sais bien, mais... J'apporte un point de vue complémentaire. elle aurait pu la geler dans les chiottes, ça aurait pas plus vite. Mais non. Et non. Non, parce que... Ce genre de scène par un auteur plus problématique, mais... sa gueule. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne remets pas en question. Je suis du même avis et ça m'a aussi dérangé. Mais voilà. Après, c'était pas une mauvaise lecture. Non. Pour moi, clairement pas. C'est juste qu'il y a quelques passages qui m'ont. Ouais, évidemment. Qui m'ont paru bizarres, c'est tout. Après, qui sait, hein, ce sera peut-être remis en question. Non, ça, je crois pas trop que ce sera remis en question, non, ce baiser volé. Mais d'autres trucs problématiques seront a priori remis en question par la suite. Ouais, ça, j'espère bien. Mais ça, tant mieux. Mais je pense que je lirai quand même la suite, hein, ça, c'est pas. Je m'attendais à ce que ça fasse partie de mes grosses lectures du mois et au final j'en ai d'autres quoi. Moi à l'inverse j'en attendais rien et au final j'ai été très positivement surpris Quelque chose d'autre à rajouter ? Non, moi je le conseille. Mais du coup c'est aussi une bonne nouvelle que ça soit qu'en 8 tomes. C'est relativement long pour ce genre de. C'est parfait. Ça permet de bien développer les personnages et leur histoire. C'est bien. Peut-être juste une remarque sur le fait qu'il y a un animé qui existe et qui a apparemment une bonne facture et que les couvertures sont très jolies. On peut indiquer aussi que Kana fait une promo à 5€. Ouais, mais comme sur la plupart de leurs premiers tomes. Jusqu'à la fin d'année, je crois. Ouais. On va parler d'un autre titre. Toujours chez Kana. Ah bon ? Ah bah un titre que Issam n'a pas ramené, du coup, encore une fois. Ah. Nous allons parler de Heroine Game. Pourquoi tu lèves le majeur dans la direction Pourquoi vous sentez-vous obligé de le préciser au public, de m'humilier en public Vous n'avez pas parlé d'humiliation publique. Ah, Emmanuel Macron avec ses ministres. Mais il y en a qui le méritent. Heroine Game, c'est dessiné par et écrit par qui? Heroine Game, donc, qui est un manga de Tabasa Iori, qui est en cours avec 3 volumes au Japon. Tu as terminé même en 3 volumes? C'est marqué en cours sur Manga News, mais si tu le dis... Il me semble que sur la cover, Kana indique une série en 3 tomes. Ouais, alors c'est terminé. Et voilà. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est idol, donc, voilà, qui est obsédée par sa célébrité, par l'apparence, par le fait que tout le monde la considère comme gentille, mignonne, alors que visiblement elle n'est pas tellement. Et un jour, sans trop comprendre pourquoi dans un premier temps, mais visiblement elle est un peu morte. Elle est un peu morte. Oups. Alors tu m'expliques le principe de un peu mort. Elle est en instance de décès, on va dire. Un jour, elle se réveille dans un univers... C'est vrai que quand tu sautes du balcon, pendant la chute, t'es un peu mort, quoi. Ouais, c'est ça, elle est dans l'entre-deux, quoi. Tu sens que ça va arriver, mais c'est pas encore là. Un peu comme le chat Schrödinger, quoi, en gros. Bah, à ce moment-là, c'est un petit peu comme la vie. Enfin, tu sens qu'à un moment, tu vas crever. C'est pas faux, ça, aussi. On est tous morts, en fait. On est tous un peu morts, quoi. Tous des morts en sursis. C'est ça. Ça va, vous? RT si on saute. C'est dans Starmania, ça. On est tous des morts en vacances. D'accord, moi je regarde pas de film. C'est pas un film. Je regarde pas de série de non, mais c'est une comédie musicale. Je regarde pas de comédie musicale. Mais il a pas de vie. J'ai pas de vie. Voilà. Je rentre chez moi, je pleure en écoutant du Lana Del Rey. Et en bouffant des Ferrero Rocher. Je pourrais au moins écouter des bons trucs. Bref. Oh, alors ça. Bon, non. Tu peux m'insulter, moi, tu peux même insulter Inu Asano ou Shuzoshi, mais t'insultes pas la Nana Del Rey, ça va pas du tout. Bon, je peux reprendre le résumé du truc. Mais c'est un film de merde. Si jamais t'aimes, c'est que parce que tu bouffes de la merde. Ouais, voilà. Oui, mais je peux faire le résumé. Ah bah oui, peut-être. Donc elle se réveille dans un univers dont elle se rend vite compte que c'est celui du petit chaperon rouge, mais dans une version un peu modifiée. Et effectivement, elle est prise dans une sorte de battle royale entre des jeunes filles qui doivent tous interpréter un rôle de princesse de conte de fées. Donc il y a le petit chaperon rouge, il y a la Belle au bois dormant, il y a Alice au pays des merveilles, alors, il y a Cendrillon. Alice meurt dès le début, je sais plus, Alice qui meurt dès le début. Je crois que c'est Alice qui meurt assez rapidement. Et donc elle se retrouve... En fait, chaque jour ou chaque semaine, je sais plus, il y a une des princesses qui est considérée comme l'héroïne et toutes les autres doivent essayer de la tuer. Et elle, donc l'héroïne du manga, se rend compte qu'en fait, sa place, bah, c'est la reine de cœur de Alice, en fait. Donc qu'elle peut décapiter toutes les autres sur simplement le commandant. Et effectivement, c'est juste des meufs qui se tapent, hein, finalement. Après, j'ai trouvé ça visuellement assez sympa pour que je passe un bon moment, tu vois. Ah là, je te rejoins. C'est le seul bon aspect du titre. C'est visuellement très joli. Oui, c'est le bordel, et oui, il n'y a rien d'original, mais je veux dire, j'ai pas passé un mauvais moment en le lisant, et ça a été court, et sur le temps de la lecture, sans rien m'apporter d'autre, ça m'a distrait. Donc, je vais pas le saquer non plus. Si vous pensez à la mort, ça peut vous distraire, mon petit cardio. Moi, ça m'a même pas distrait. C'était joli, certes, mais autant regarder un truc... autant, du coup, regarder un truc joli et bien écrit... Oui, non mais je suis d'accord, choisir oui, mais c'est pas... C'est... Ah, choisir oui, mais quand tu ne peux pas choisir. C'est pas désagréable pour autant, franchement. Enfin, je me suis moins fait chier en lisant ça qu'en lisant ma motte, hein, personnellement. D'accord. Alors, moi, ton résumé me fait penser au manga publié chez Doki Doki, Fairy Tail Battle Royale, où c'est également... Oui, il y a un peu, ouais. C'est un peu le même délire. Sauf que Fairy Tail Battle Royale, je trouve, est aussi très joli, mais plus joli parce qu'elle a plus un style particulier, à mon sens. Et en plus... est plutôt surprenant de par sa qualité. T'as pas trouvé ça pas mal, toi? Ah si, justement. Ouais, enfin, je m'en suis pas entre temps, parce que, voilà, j'ai besoin de place dans ma tête. Et je revends tout. C'était son manga de l'année qui l'a revendu. Ouais, à la limite, ça, à mon avis, ça a plus d'intérêt que Heroine Game. Enfin, même si je l'ai pas eu, vraiment, ça... Oui, non, mais on est d'accord, pas, ça a pas vraiment d'intérêt, mais c'est pas désagréable à lire, donc j'ai pas envie de le saquer non plus. En fait, pour moi... J'ai pas envie de le saquer, je n'en dis rien, je m'en fous. Mmh. Voilà, c'est tout. Vraiment. Oui. Non, mais voilà, c'est... En fait, oui, enfin... Je déconseille pas, en fait, c'est... En fait, pour moi, juste le simple manque d'intérêt est déjà désagréable, parce que j'ai pas envie d'être devant un truc qui juste m'abrutit et me raconte rien et veut rien proposer, quoi. Enfin, j'ai... Ouais, ça m'abrutit pas forcément. Oui, non, ça, mais enfin, en fait, j'ai un peu l'impression de voir une page de pub. Enfin, c'est beau, mais ça, c'est dans des intentions qui sont pas très bonnes et ça veut... Ouais, ça n'a pas d'intention artistique. J'ai pas l'impression... Non, enfin, je suis désolé, je vois pas comment on peut se retrouver à écrire un truc comme ça, sans aucune originalité, sans... Enfin, c'est le 400e survival game de l'année. Après, non, moi, je... là, la question se pose, c'est, tu dis, c'est, ça n'a pas de prétention artistique, mais, enfin, est-ce que la prétention artistique est la seule valeur de qualité d'un manga ? Est-ce qu'il n'y a pas plein de mangas qui, finalement, n'ont pas forcément de prétention artistique, mais qui vont pouvoir être bons quand même, parce qu'ils vont correspondre aux attentes du moment ? Bah oui, parce que c'est de l'art, c'est pas de, c'est pas un produit de consommation de nécessité. Enfin, ça doit pas. Non, enfin pour moi, si ça répond à des attentes et que ça propose quelque chose d'artistique et tout ça, c'est valable. Bah, typiquement, Demon Slayer qui arrive à être à la jonction d'une proposition artistique et d'un schéma narratif extrêmement calibré. Mais là, vraiment, moi ça me paraît être juste. De la production pour la production et pour remplir des pages dans un magazine, quoi, et ça me paraît vraiment sans aucun intérêt. Ouais, après, ça dépend ce que t'appelles prétention artistique. À partir du moment où il y a un style graphique que je trouve qui est joli, c'est déjà une forme de prétention artistique. Qui est joli, mais qui est joli comme il y en a plein d'autres. Enfin, de ce que j'ai feuilleté, c'est quand même ultra calibré. C'est vraiment très joli quand même. Moi, je trouve pas ça très joli, je trouve ça propre. Si tu vas par là, même s'il y a une prétention artistique, on est d'accord, Shuzo Oshimi aussi, je pense que s'il peut faire ses titres, c'est parce qu'il y a un aspect commercial derrière. Après, comme tout œuvre. Façades... Mais du coup, je trouve que l'opposition entre je suis pas sûr, prétention artistique et commerciale n'est pas très... De toute façon, système éditorial... Non mais, ouais, mais là, c'est... Enfin, je sais pas si c'est clair, et après, je veux pas sonner hiérarchisant au niveau... Voilà, parce que, bon... Ça a aussi sa valeur, mais en tout cas, moi, c'est dans des trucs que je trouve assez invivables dans mon rapport à la lecture. Lire un truc qui m'apporte rien sur rien, je trouve ça vraiment blessant. Enfin, j'ai l'impression que je perds mon temps, quoi. Mais après, c'est peut-être vraiment juste moi. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir ce rapport-là, donc c'est pour ça aussi que je le mentionne. Je vais prendre un exemple au cinéma, parce que c'est vrai que je maîtrise quand même mieux, mais c'est, par exemple, il y a des réalisateurs comme Carpenter ou comme Romero qui ont longtemps été considérés comme des tâcherons qui faisaient justement que du commercial, qui avaient aucune prétention artistique, et finalement ils ont été réhabilités par la suite comme en fait beaucoup de réalisateurs de série B qui ont connu cette carrière là et même encore Carpenter, même encore aujourd'hui aux States, c'est pas considéré comme le génie qui peut être oui, effectivement, chez nous. Mais effectivement. Je crois quand même qu'il manque un élément de passion parce que là je pense pas Ça, c'est dur à dire. Bah non, mais même s'il y avait une passion, alors je sais pas, enfin, des contes de fées, j'imagine, ça pourrait être ça. Bon, c'est pas comparable à la passion de Carpenter, qui est plus sur... c'est pas une thématique en soi, c'est un rapport à l'art, quoi. Donc, à l'organique, à l'horreur, à l'esthétique, qui a pas la même valeur dans une production cinématographique ou artistique en général... que simplement, j'aime bien si mais t'aimes bien le petit chapeau rouge, c'est cool pour toi, mais enfin, je m'en fous, et j'ai pas envie de... Oui, non, mais que tu t'en fous, je le comprends tout à fait, mais si jamais elle kiffe, c'est bien, mais raison de faire une œuvre d'art, je pense que pour moi, c'est une raison égoïste de faire une œuvre d'art, c'est pour soi se faire kiffer, mais à moins de vraiment kiffer, le petit chapeau rouge, mais c'est pas un truc aussi fédérateur que... qu'une proposition artistique sur la manière de représenter le corps, de représenter, il y a un truc qui est artistiquement plus fédérateur et plus... Je vois pas en quoi. Ah si, moi je pense. Parce que c'est quelque chose où tout le monde peut se sentir concerné dans un rapport qui peut être de rejet ou d'acceptation. Le rapport de la représentation artistique du corps et de ses désintégrations multiples est à la fois extrêmement primitif et du coup de fait extrêmement fédérateur. Alors que, le petit chapeau en rouge, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, et je pense que les gens qui, en tout cas, n'en ont rien à foutre, sont quand même majoritaires, et que ça reste quand même dans... on s'en fout, non ? Ouais, moi, je veux dire, par exemple, je prends l'exemple du corps, moi, mon rapport au corps, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais, mais non, parce que, en soi, on en a quelque chose à foutre, on en a quelque chose à foutre, au moins dans l'expérience première quotidienne, on a tous une relation avec le corps. Tu confonds pas Carpenter et Cronenberg ? Oui, si, si. Ouais, non, mais c'est parce que je mélange, c'est les mêmes... disons que la passion relève d'un rapport à l'art chez tous les chez tous les réalisateurs d'horreur qui ont pu faire des trucs qui ont pu être perçus comme de la série B, mais c'est le cas pour tous. C'est plus un rapport à l'art qu'à une thématique particulière, et du coup je trouve que ça a plus de potentiel alors de valorisation dans le système de valorisation, quel système de valorisation de l'art occidental. Alors je dis pas qu'il a plus de valeur qu'un autre, mais en tout cas c'est celui dans lequel on s'inscrit. Alors je sais pas, enfin non, mais ça mérite débat. Pour ce, autant Carpenter, je vais plutôt d'accord avec toi, il y a un rapport à l'art, mais j'aurais plus de réserve sur un Mario Bava ou sur un quand le réalisateur. Après, moi, je ne connais pas du tout en cinéma, donc tu vois, la maison de la cimetière, Lucio Fulci. Je trouve ça beaucoup plus ambigu. Je pense qu'il y a un rapport au commerce chez ces réalisateurs-là, et après ils ont décidé de se faire kiffer en faisant leur truc commercial, mais je pense, mais je sais pas s'il y a ça dans Heroin Game, et je vais pas non plus le défendre à tout prix, c'est pas un chef-d'œuvre, on est loin de là. Mais il y a même des grands films qui n'ont pas forcément de message derrière. Ah oui, non, ouais. c'est pas une question de message, c'est, en d'ailleurs, les plus grands films n'ont pas de message. Si la seule ambition du réalisateur, ou de l'artiste, ou du mangaka, c'est juste de faire quelque chose qui plaise au plus grand nombre, je trouve que déjà, c'est une ambition, si elle se dit juste j'aime le petit chapeau ça, en rouge, ça plaît pas au plus grand nombre. J'ai envie de le partager avec qu'est-ce que t'en sais? Déjà parce que ça s'est fait arrêter en 3 tomes, ce qui présage rien de bon. Effectivement, mais il y a plein de gens qui aiment les contes de fées, qui aiment peut-être voir des battles royales avec des contes de fées à première vue, pourquoi pas. Si elle s'est dit, si l'auteur s'est juste dit, je sais plus si c'est un auteur ou une autrice, dit que je vais faire plaisir à ces gens-là. Bon, effectivement, il y a un peu un sacrifice de l'ambition personnelle, mais c'est déjà une... Sauf si cette personne-là aime ça aussi. Ouais, je sais pas, ça aussi, ouais. Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est effectivement plus une commande des éditeurs, mais il y a une démarche. Je trouve pas que ce soit tout blanc ou tout noir. Quoi. J'ai pas envie de tirer complètement sur la démarche. En soi, c'est gris, mais dans mon rapport à moi, assez difficile en ce moment à la lecture et tout ça, ça me paraît écœurant. Mais c'est pour moi maintenant. C'est pas en soi. Je dis pas que c'est absolument dégueulasse comme démarche. Je dis que moi, je pourrais pas dire ça. Quoi. Mmh. C'est juste ça. RT s'il vomit, like s'il ravale. C'est pour terminer sur un bon mot. Bon, pour moi, ça vaut que par le dessin, et voilà, c'est tout. Et Issam, c'est son manga du mois. Non, c'est clairement le dessin, l'attrait principal, mais voilà, c'est pas désagréable. Voilà, t'as pas passé un mauvais moment. Voilà. Moi, je me suis ennuyé sévère, mais voilà. On va mettre fin à ce long débat, hein. On va retourner dans du franco-belge, il me semble que tout le monde l'a lu. Oui. Enfin, t'as lu ça, mais t'as pas lu Vigueur. C'est parce que ça avait l'air de se lire plus vite. C'est vrai que t'as fait lu, finalement. Bon, après, c'est pas non plus une totalement nulle. Hein. Oui, non, c'était pas totalement nulle, mais c'est plus un choix de rentabilité de temps. Parce que, en fait, je l'ai lu 10 minutes avant que vous arriviez. Donc. On va vous parler de Time Lost, écrit par Jean-Luc Sala, dessiné et colorisé par Afif Khaled. C'est l'histoire d'une bande de lycéens, c'est ça ? Pas que. Pas que, mais... De nazis et dinosaures. Principalement, on suit des lycéens qui sont sur un aéroport, qui vont chercher une amie à eux, et il y a une faille spatio-temporelle qui les propulse dans une époque étrange avec des dinosaures et des nazis. Et un espèce de gourou, truc bizarre, ok. Est-ce que le résumé vous convient ? Alors, je trouve qu'il se passe. Alors, c'est aussi dû au format du franco-belge, mais il se passe rien. Enfin, on a l'impression de lire un premier chapitre de manga, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il se passe. En fait, il se passe à la fois beaucoup de choses. Oui, mais pas grand-chose. En fait, c'est qu'il se passe énormément de choses, mais on a l'impression qu'il se passe une heure, quoi. Mais encore plus que pour V-Girl, qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Parce que V-Girl, c'était de la mise en place, mais qui le faisait bien. Là, c'est de la mise en place très expéditive. En fait, c'est qu'il se passe beaucoup de choses parce que les événements sont évidemment très succincts, mais en fait, tout se passe en même pas une demi-heure, je pense, quoi. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est extrêmement dense. Ça se passe sur plusieurs lignes temporelles, parce qu'on voit l'époque avec un scientifique juif qui faisait des expériences très étranges avant de se faire arrêter par les nazis, parce que c'est des nazis, donc comme vous le savez, ils aimaient pas trop les juifs. Spoiler alerte, ça s'est mal fini. Est-ce qu'on peut vraiment faire des blagues sur ce sujet-là? Je ne sais pas. Mais je sais qu'Issam en fera beaucoup plus avec le prochain sujet du podcast. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ouh, j'ai mal. Visuellement, c'est très joli. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. J'aime bien le chara-design. Les couleurs aussi sont plutôt bien, bien choisies. La mise en page est très classique. Par contre, on est sur le même souci que V-Girl. Mais c'est un gros tome introductif, quoi. Et on sait quasiment rien des personnages. On sait quasiment rien du but de cette histoire. Tout y va avec des gros sabots, alors l'introduction des personnages, il y a le mec beauf, une dont la seule information qu'on a c'est qu'elle est lesbienne, et une autre qui fait mécano de je sais pas trop quoi. Enfin, en fait, tous les personnages ont un gros trait caractéristique qui nous est chié dans la gueule dans des dialogues qui sont d'une lourdeur assez absolue. Le mec qui fait le ménage dans l'aéroport, en fait, c'est un ancien militaire qui est assez ouf. et tout de suite, on nous. Enfin, ouais, dans, tout de suite dans un. Enfin, en fait, ouais, les dialogues sonnent très faux. Et sonne vraiment, il faut qu'on vous dise qui sont ces gens très vite pour que vous compreniez qui ils sont et qu'on puisse avancer dans l'histoire. Donc, alors que la conversation ne prête pas du tout à ça, par exemple, le vieux il commence à agresser le jeune parce qu'il est pas assez viril ou je sais pas trop quoi. On comprend pas trop d'où ça vient, mais c'est très sérieux. Mais oui, voilà, mais ça a un charme. Enfin, ça se prend pas au sérieux. Ou en tout cas, si ça se prend au sérieux, ça ne l'est pas ça se voit pas. Je pense que ça se prend volontairement pas au sérieux. Ouais, et puis... Oui. Du coup, ça a un côté assez charmant, en fait, cette lourdeur assez drôle et assez légère, en fait. Ouais, une lourdeur légère. Hein. J'arrive quand même à dire des trucs super intelligents. Moi. C'était une lecture pas désagréable, sans que ça soit extraordinaire. Ouais, moi, ouais. Pour le coup, quitte à choisir un truc de série B avec des nazis, du coup, j'ai préféré V-Girl. Oui, bah, clairement. C'est l'âge. C'est trop un thème d'introduction. Ouais. J'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans à aucun moment. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment non plus. C'est un petit peu comme moi maintenant, en fait. Pour des raisons différentes, mais je le mets à côté de Mammoth au niveau appréciation. Je pense qu'on va rapidement faire le tour, mais en fait, rapidement, bah, comme l'introduction de cette magnifique œuvre qui est Time Lost. Tome 1, Opération Rainbow 2. Et la couverture, c'est quand même un sacré bordel, hein, putain. Là, c'est Là, pour le coup, elle fait très affiche de film, la couverture. Ouais, ah oui, au niveau de la disposition des personnages. De beaucoup d'affiches de films. C'est très à la mode en ce moment, les affiches de films avec tous les personnages. Ouais. Je trouve ça super moche, d'ailleurs. Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Je trouve ça, globalement, même quand c'est bien fait, super moche. Mais... Ouais. Moi, j'aime bien les personnages. J'iconise un peu les trucs comme ça, donc ça me fait plaisir. Ah voilà, c'était pas une lecture désagréable, mais bon. Clairement, on a vu mieux. Et petite transition, quelque part. Parce que de quoi on parle après? De nazis encore. Et d'un truc mieux avec des nazis. Ah bah oui. Peut-être même de notre lecture du mois avec des nazis. On va parler de Nun, ça se prononce comme ça en allemand? Ouais, Nun. Nun. Je dirais que c'est un peu plus E que E. Nun. Nun. Ouais, voilà, un truc comme ça. Nun. Ah, écrit et dessiné par... Tsutomu Takahashi, auteur de plein de trucs, mais Even chez Panini, de Soulkeeper chez Panini, également. De Détonation chez Kika Graphique, de Bakuan Reto en 18 tomes chez Kana. Un auteur moi que j'apprécie beaucoup. Un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Un des quelques auteurs Sam, du coup, bien de gauche. Détonation de lui, Mais qui est très très bien. Plus de pas son meilleur, mais qui est très bien. C'est très chouette. C'est l'histoire de zombies sur un bateau. C'était vraiment la série B. Ouais, mais très plaisant. Plus dispensable comparativement, notamment par exemple la Soulkeeper. Soulkeeper, c'est génial. C'est génial. On en avait parlé, Soulkeeper, à l'époque, dans les premiers numéros du podcast, il me semble. Et je pense que Bakuan Reto, que j'ai commencé à lire, qui est son manga semi-autobiographique, a l'air vraiment top. C'est chez Kana, ouais. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Enfin. C'est bien. Allez, fais-nous un résumé de Nun. Ah, c'est à moi de faire un résumé. Alors, c'est moi qui suis le premier à l'avoir lu, donc ça date. Bon, les nazis. C'est une uchronie. J'espère que c'est une uchronie. Ah, ça, on sait pas en fait. Où Hitler aurait eu. Alors, 9 ou 12 pourquoi j'ai le chiffre 12? Il y a combien d'enfants? 12, hein. Donc, oui, justement, on suit le numéro 9, c'est ça? Oui. Donc, Hitler aurait eu 12 enfants. Plus ou moins cachés, etc. Et en gros, il veut les faire tuer. Ah, enfants créés par insémination artificielle. Oui, enfants créés par insémination artificielle. Et donc, en gros, pour je ne sais plus trop quelle raison, mais c'est secondaire, il faut les tuer. Quand même un GPA pour tous. Et du coup, on va suivre un nazi, celui qui est sur la couverture, et j'ai plus trop son nom, qui est chargé... Appelons-le Hans. Bonjour. J'avais dit appelons-le, j'ai pas dit appelons Hans. C'était moi. Qui est chargé... Alors, il est d'abord, dans un premier temps, chargé d'exécuter l'enfant qu'il protège par la suite, ou... Mais normalement, de base, en tête. De base, il doit le protéger, mais alors comment non, ça se fait juste il est jamais chargé de l'exécuter, c'est juste qu'il va voir, il est censé ne pas intervenir quand on vient l'exécuter. Voilà. Mais finalement, il intervient, évidemment. Il doit le protéger. Et donc, bon, petit à petit, voilà, c'est des enchaînements de combats et d'intrigues plus ou moins politiques et de fuites avec des personnages très iconiques, de l'action très impressionnante, un style graphique extrêmement abouti et toujours très travaillé. Très iconique et qui n'hésite pas aussi à jouer sur les clichés. Ouais, genre la protectrice du numéro, je sais plus combien, qui est d'origine japonaise. Et qui se bat avec un sabre. Bon. Mais quelque part, ça participe aussi de, bah, justement d'une iconisation du personnage qui, moi, me plaît bien. Enfin, je trouve qu'ils ont un charisme de ouf, quoi, tous. Et elle, notamment, elle est trop cool. Donc, c'est vraiment extrêmement jouissif. Et en même temps, narrativement assez intelligent, plutôt bien ficelé. On sent qu'il y a des pistes qui se mettent en place pour un récit un peu plus dense par la suite. C'est vrai que pour l'instant, on est beaucoup dans l'action et les péripéties qui s'enchaînent, mais donc avec un rythme assez effréné, mais quand même pas mal de choses qui se mettent en place derrière. C'est joli. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Et bah, pour les fans de l'auteur, foncez. Et pour ceux qui veulent le découvrir, c'est aussi, je pense, un très très très bon choix. Oui, parce que ça... Enfin, ça a beau traiter du nazisme et compagnie, c'est finalement beaucoup moins glauque que l'était Détonation. Ouais. Il y a des trucs gore, enfin, notamment il y a une croix gammée formée à partir d'espèces de chair décomposées bizarres là. C'est sur la fin ça. Ouais, c'est sur la fin. On a fait des docteurs qui savaient s'amuser à l'époque. Avec le scientifique qui fait des expériences bizarres avec son nez. Oui. Ouais. J'ai cru que c'était Mengele d'ailleurs au début, mais visiblement non. Non, mais par contre, on voit des personnages célèbres de cette époque. C'est pour les ça, stars. On voit Goebbels. Les stars de l'époque. Tout le casting. On voit Goebbels, on voit Hitler. Ouais. Ah oui, évidemment, ce serait trop con. Ah bah pourquoi, tu pourrais très bien le laisser dans le monde et pas montrer son visage. Ça aurait peut-être d'ailleurs été intéressant, mais en tout cas, peut-être de pas le montrer aussitôt, mais... Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant l'absence du... Enfin, dans un truc comme ça, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas le docteur Mengele. Ah attends, ça a peut-être... Oui, peut-être par la suite, parce que c'est quand même une... Enfin, quand tu parles d'expérimentation nazie, c'est quand même une des grandes figures du truc. Peut-être que tu apprendras à le tome 2 que le scientifique qu'on voit à la fin du tome, c'est un élève de Mengele. Hein. Ouais. Parce que c'est quand même en cours avec 5 tomes, que ça n'a pas l'air d'être sur la fin, de ce que j'ai compris. Après, c'est pas un auteur qui est habitué à des longues séries. Oh, il a quand même... Ah non, c'est plus long que c'est la... C'est une série quasiment autobiographique. Non, c'est... Alors, il y a Bakuen Retto qui est en 18 tomes, mais il y a Sido, qui était à moitié publié par Panini. J'espère que ça va revenir. Et qui, me semble, était presque en 30 tomes. Visuellement, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire. Je pense. Il a un style tout en gris, pour le coup, lui. Tout en gris et tout en coup de crayon très énergique. Ouais, vif. Et qui colle parfaitement. Ah ouais. Oui, parfaitement avec l'ambiance. C'est poisseux un peu. C'est bien gore quand même. Voilà, c'est pas qu'on va conseiller à tout le monde. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, là, son style colle plus qu'il ne collait par exemple sur Soul Keeper, qui était peut-être un peu moins lourd. Soul Keeper, je trouvais qu'il s'en servait justement pour créer un peu le côté poisseux de la mise en image de la pollution du nucléaire. Donc il arrivait à rentabiliser ces aspects-là de son style graphique et à le moduler pour des passages plus communs. Donc c'est vraiment un chouette auteur, ça fait plaisir de le voir encore publié chez nous. Oui, il a l'air bien publié chez nous finalement. Ouais, mais à part je sa crois série interrompue son... chez Panini. Ouais, mais bon, je crois qu'il a une base de lectorat relativement fidèle en général, parce que c'est un auteur qui, même s'il n'est pas ultra connu, justement marque assez ceux qui le lisent. Donc voilà, je pense que c'est un auteur où pour le coup, quand on en lit un, on veut lire les autres quoi. Sa série chez Cana, bon bah c'est chez Cana donc ça sera toujours dispo. Parce que Cana en général. Pour toujours, je sais pas, mais en tout cas ils préviendront si c'est en arrêt de com un et peu avant. En général, quand il y a une rupture, ils arriveraient un peu. Ouais. C'est pas le cas de Panini. Hein. Si vous voulez Soul Keeper. Ah ouais, je suis même pas sûr qu'ils sont encore tous dispo. Hein. Patientez pas, hein. Je crois qu'ils sont encore tous dispo. Ah bah en même temps, peut-être qu'ils vont rééditer vu qu'ils ont l'air dans le délire. Ils vont peut-être réimprimer en tout cas, ouais. À mon avis, ça fait peut-être pas partie de leur priorité. Je sais pas si ça s'est bien rendu à l'époque Soul Keeper, mais. Bah je pense que vu que l'auteur a un petit succès en cours de publication, ça peut faire partie des trucs qui seront maintenus au moins. Ouais. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à sauter sur Non. Sur à peu près n'importe quel autre manga de l'auteur que vous pourrez trouver. Vu qu'on parle de rejoignez-nous. Vous avez des cookies hein? Non. Ah bah non, là. Mais on a des enfants. Ah putain, bah, vous en avez 12. Oui. Très vite, plus vraiment 12. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont on pas. On recrée régulièrement, on les remplace. On améliore. Une lecture qu'on recommande tous autour de la table. Ah ouais, à 100%, c'était trop bien. Et dans l'attente du second tome, qui sort tout bientôt, je crois, il sort en novembre. En novembre, ouais. Et le 3 en février, je crois. Et le 4 un peu plus tard. Ah, c'est bon, tu vas et le 5 faire, hein. Un peu plus tard. Ah. Sans doute pour Japan Expo. Voilà. Eh bien, mes chers amis. Compatriotes. ça partait bizarrement. Okay. Au revoir. Est-ce qu'on fait un petit hommage à Chichi? Ah, mon Dieu. Est-ce que tu penses que Chirac aurait aimé. Qui aimait le Japon? Ah, oui, il aimait beaucoup de choses. Hein. Oui, l'argent. Il aimait surtout le sumotori. Oui. Voilà. Parce qu'il aimait aussi beaucoup la culture africaine. Oui, aussi. Chirac. Mais je sais pas si dans le Japon. Il aimait pas trop l'odeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il aimait le bruit et l'odeur de la culture africaine. Mais parce que je sais pas s'il aimait vraiment le Japon ou s'il aimait surtout le sumotori. Je sais pas. Il aimait beaucoup la Corona aussi. Quoi ? Qui reste là où il aimait pas beaucoup Bernadette. Mais avec lui, c'était 2 minutes douche comprise. Oui. On en a terminé avec ce numéro. Un petit dernier mot pour la route. Arthur. Ah, pourquoi on commence par moi? Au revoir. Issam. Faudrait reprendre les recommandations. Ah ouais. C'est vrai. C'est une bonne idée. On fera ça au prochain numéro. C'est une très bonne idée. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. On mettra l'adresse dans le lien du podcast. Mais vous pouvez également retrouver Issam sur Cinéma Archiviste, sur Twitter. Oui. Et sur la chaîne YouTube Cinéma Archiviste de YouTube. Du cinéma. Arthur, où est-ce qu'on peut retrouver ce que j'ai oublié ton nouveau... Sur Twitter, PoonPoonIntended, vous apprécierez le jeu de mots, c'est un des seuls compliments que tu m'as jamais fait de ma vie, donc merci Sam. Et sur mon blog Jaga et Manga, à l'activité incertaine. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Au Gré des Bulles, sur Twitter et sur le Discord, avec Sam et pas Arthur, parce qu'il ne participe pas. C'est un mauvais avis. Oui, oui, oui. Chris et moi, vous pouvez aussi nous retrouver dans le podcast, le vidéoclub de Castle Rock, dédié aux adaptations cinéma et télévisuelles, tant que ça fait qu'une saison, de Stephen King. Donc, au moment où vous entendrez ce podcast, normalement, le prochain épisode, ce sera Le Fléau, si on n'a pas trop de retard. Et le dernier épisode en date, c'était Les Démons du Maïs. Oui, le remake de 2009. Voilà, c'est-à-dire l'excellent remake. C'est-à-dire la 11e adaptation, dans la 9e adaptation. Dans la 9e. La 9e adaptation. Enfin, le 8e film que sur ça, et la 9e si on compte l'adaptation dans un film à sketch. C'est sur Les Démons du Maïs ou sur ça, alors? J'ai pas compris. Il est temps de terminer. Non, parce que vous pouvez aussi... Cas sur table. Non, ça c'est ce qu'on fait maintenant. La guerre des clans. La guerre des clans, parce qu'on va bientôt revenir. Oui, dans une nouvelle formule, comme la lessive. On en parlera d'un film cette fois-ci par podcast. Ouais. On commencera cette saison avec Ghost Story. Et oui. Merci de nous avoir écoutés. Un film sur les tartes. Merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Faire foutre, mon clé de merde.